Cette émission est sponsorisée par HongKongStyle.fr, société de vente en ligne de produits dérivés, toys, goodies et accessoires mobiles dans le monde des comics, films, séries TV, jeux vidéo et manga. HongKongStyle. I'm a nigga with me. I'm a nigga with it. I'm a nigga ballin'. I'm a nigga's athletic. I'm a nigga's A1. All got street cred. I'm a nigga ballin'. I'm a nigga's athletic. Pulled up in the fountain, pulled off with a dance. Got a pocket full of money, kinda hard to keep my pants up. Nigga tryna run them bands up, fuck a bitch with my hands up. Lil Quay fuck the Zans up, kinda hard to understand. Bonjour et bienvenue dans ce 19e podcast consacré au mois de février 2016. Alors, donc l'équipe habituelle avec Cédric. Salut. Spectra. Salut. Et Vinch. Bonsoir à tous. Putain, je sais même pas si j'éteins la musique en fait. Vous entendez plus la musique là? Non, c'est bon? Ok. Vous allez bien ou quoi? Ah bah mieux que toi, pardon. Ouais, moi je suis fatigué, j'ai la crève, c'est la merde. Vous, vous êtes en forme? Ouais, ouais, ça va. Ouais, ça va, tranquille. Ok. Bon, bah on va commencer donc de ce pas avec les news cinéma. Donc on te laisse faire Spectra à peu près, allez, on va dire un peu moins de 20 jours de la sortie de Batman Superman. Ouais, alors bon, pas bah, des news bien, bien passionnantes. Hein. Donc bon, on connaît la date de tournage du film Justice League qui démarra le 11 avril 2016 avec un nom de travail qui est Caveman. Pour continuer dans les dates, on a la date de sortie du film Flash qui a été avancée au 16 mars 2018 au lieu du 23 mars. Dans un truc un peu plus intéressant, on avait une photo sur les réseaux sociaux de Momoa et Snyder. On voyait quelques costumes, je suppute pour les films Justice League, avec un aperçu un peu plus correct de celui de Flash. Ouais, il est pas mal, hein, du peu qu'on voit. Ah, il a l'air vraiment pas mal. Quoi. Enfin, en tout cas, les couleurs ressortent déjà bien comme ça, sans effets spéciaux. Sans effets, sans rien. Donc, ouais. Ah, mais une fois que l'aura le film, on les verra plus les couleurs, justement. Allez, ça y est, Snyder. Ça commence. T'as toujours un mec qui la ramène sur Snyder. Nanana, c'est pas coloré, nanana, nanana. C'est... Je sais plus quoi faire. Ça va pas t'embêter de voir Flash en gris? Mais Castor, il sera pas en gris, c'est juste qu'il sera pas en rouge des années 55, là, et donc il aura un rouge des années 2015, quoi. Si vous regardez la bande-annonce de Batman Superman, bon, Batman Superman, il est en bleu flashy, on dirait qu'il sort d'un truc costumaire. C'est ce que j'allais dire, ouais, le bleu est plus flashy pour Superman. Il est tout flashy, tout moulé comme ça, donc Snyder fait des efforts. Ah, mais j'aime quand c'est moulé, moi aussi. Ah, mais il veut que ce soit bleu comme, je sais pas moi, bleu étincelant, voilà. Mais moi je pense qu'après ces costumes-là, ils sont déjà un peu kitsch, si tu mets des couleurs comme ça, ça va être dégueulasse. Donc moi, s'il est rouge bordeaux, je pense m'en remettre, le costume de Flash. Mais apparemment, Cédric... Tu vas avoir du mal, non? C'est ça. Cédric aime le flashy. Ouais, bah moi j'aime Flash. Flash, il est rouge et c'est tout. Il n'est pas gris. Il n'est pas bordeaux, il n'est pas rouge. Le Flash de la série télé, il est rouge, mais ça va, non? Non, il n'est pas rouge, le Flash de la série télé. Ouais, il est marron, non? Il est quelle couleur? Bah, il est un peu marron, ouais. Mais il n'est pas marron, il est rouge bordeaux, quoi. Il est rouge, rouge Daredevil, un peu, quoi. Et ça passe, non? Non? Non. Oh là là. Donc, ça passe pas. Après ce débat sur les 50 nuances de rouge, des affiches officielles pour Batman Superman, ça continue avec Lex Luthor, Alfred et Lois Lane. Vous avez vu là les demandes de parier sur Facebook? J'ai pas suivi en fait, j'ai pas cliqué. Vous êtes allé voir ou pas? Ouais. Vas-y, raconte un peu, Vinch. En fait, c'est un concours pour pouvoir assister au tournage de Justice League à Londres. Et tu peux parier sur lequel des deux va gagner le combat, en gros. Et le raffrontement, et si t'es tiré au sort, bah, tu peux aller passer une journée ou deux, un truc comme ça, à Londres, voir sur le tournage du film du Justice League. C'est des gros forceurs quand même sur la com. Hein. Ils n'arrêtent pas de dire qui va gagner, mais alors personne ne va gagner, ils vont être ensemble après. Ouais. Vous ne trouvez pas que c'est super forcé quand même? Puis en plus, ça, c'est pas comme s'il y avait un comics qui avait été écrit là-dessus déjà, quoi. Ouais, ouais, mais après, juste sans parler de ça, tout le monde sait très bien que ça va durer 5 minutes cette histoire, quoi. Après, c'est bon, quoi. Et là, je vois à chaque fois où Will Survive. Alors, t'as des mecs sur internet qui ont rien à faire. Ils sont hashtag Team Superman avec un petit Superman en logo, hashtag Team Batman. Mais vous êtes au courant, tout va s'arranger après. Enfin, je sais pas. Il n'y en a pas qui meurt à la fin. Franchement, c'est à la rigueur. Bon, Civil War, j'y connais rien. Je sais pas comment ça se termine. J'y connais que dalle. Mais Civil War qui fasse un truc comme ça, je peux comprendre. Mais sur Batman et Superman, je trouve ça ultra forcé, quoi. Ah, Civil War, ça se passe à Starman pour un des persos. Ouais. Voilà, ouais. Donc, mais bon, là. Mais bon, après, si Vu ça fait qu'on est un peur. podcast DC, on va spoiler à mort qui Ouais, meurt à la fin. on peut spoiler qu'il meurt à la fin. Non, parce qu'à mon avis, ça ne se passera pas comme ça dans le film. Ah, mais Enfin, surtout bref. qu'on s'en bat les couilles, puisqu'on est là sur un podcast DC. Donc c'est juste pour faire Voilà. la comparaison, quoi. On va pas s'étendre sur Civil War quand même, C'est quand même mieux Captain que Batman. America meurt dans Civil War. Ah, il l'a dit, il l'a dit. Oh mon Dieu. Et pourquoi tu l'as dit? Je sais pas. De toute façon, on s'en bat les couilles, c'est Marvel, c'est Mais pas c'est grave. une balle spatio-temporelle qui le tue, donc Non, peut-être mais que ce vas-y, sera arrêtez. pas. Franchement, le mec écoute là comme ça et d'entrée, il se fait spoiler sur un film qui est pas sorti, c'est pas cool. Bon, C'est pas le film, c'est la BD que tu en racontes. même temps, vu le nombre d'auditeurs qu'on a, comparé aux gens qui ont pas lu de comics, qui vont aller voir le film, s'il y a un mec qui lit pas de comics, qui va voir le film et qui écoute notre podcast, qui parle pas de Marvel, je pense que il aura vraiment pas de chance, le mec. Qui nous écrit? Il Qui aura nous vraiment écrit pas pour de chance. se plaindre? Bah, vas-y, continue, Spectra, on t'écoute. Bah, je continue avec la version qu'on attend le plus du coup de Batman v Superman, hein, grâce peut-être au petit effet Deadpool aussi. Donc, dans la version Blu-ray, il y aura des scènes supplémentaires, comme on pouvait s'en douter, quelques personnages qui seront apparemment coupés au montage dans le film. Il y avait comme rumeur Jenna Malone qui finalement n'apparaîtrait pas dans la version cinéma. Et la version Blu-ray serait classée Rated R. Ouais, bah écoute, on verra bien, hein, ma foi. On parlera de. Vous l'avez vu Deadpool? On en parlera à la fin. Vous l'avez vu? Ouais, mais dans mon Ouais. coup de cœur, je pense. Coup de cœur carrément? T'as les mecs Ouais, choqués, bah. quoi. Bah, mon. Ouais, c'était marrant, mais je sais pas, c'est pas Interstellar quoi. C'était marrant, c'était bien. Non, mais dans mes coups de cœur, dans mes trucs de geek sympas, quoi. Ah ouais, voilà, essaie de te rattraper, ouais. Ok. Non, mais après, il était cool, c'est vrai. Bon, on en parlera à la fin de toute façon. Quand Vinch ne sera plus là. Si, Alors. si, je reste, je Ah, reste. tu restes cette fois-ci? Ouais, c'est bon alors, on va Bah, juste pourtant, rigoler c'est la ça gueule. mon coup de cœur, c'est quand Vinci se barre. Ah, mais c'est le mien aussi, hein. Bande de bâtards. Et donc on finit avec une fausse scène bonus. Donc pareil pour Batsup là avec Jimmy Kimmel, je l'ai vu mais j'ai pas regardé. Enfin j'ai. Vous m'avez compris quoi. C'est marrant, c'est bien. Ça spoil ou pas? Et ben du coup j'ai juste regardé le j'ai vu le teaser sur Instagram et je suis pas allé voir plus. J'évite tout ce qui est Batman Superman en ce moment, j'ai vraiment pas envie de me faire spoiler. Donc. C'est ce que je fais aussi. Vous l'avez vu, Vinch et Cédric? Non? Moi c'est Non. pareil que Spectra, je ne regarde plus rien de Batman v Superman. Donc, Bah Vinch, pareil. ouais, pareil, Ok. j'évite. Donc en fait, on parle de trucs, mais on peut pas approfondir parce que nous-mêmes, on n'est même pas au courant, quoi. Bravo les gars. Voilà. Professionnel jusqu'au bout. C'est ça. On va passer à la série, aux news série télé. Ça va être bref parce qu'il n'y a pas grand-chose à, y a pas grand-chose à en dire, cher ami. Vinch? Non, mais presque rien du tout en fait. Quelques petites choses par-ci par-là. Donc on a eu l'actrice Lori Petit qui jouait récemment dans Orange is the New Black, Ah, qui va attends, arriver refais, refais. dans Orange is the New Black. Voilà, tu vois, quand t'es normal naturel, Ouais. ça passe, mon gars. Ça passe donc, elle va arriver dans Gotham. Je ne sais pas vraiment quel rôle elle aura, mais en tout cas, il y a eu des images d'elle où elle est où elle arbore un large sourire et où avec des effets de lumière, ils lui font un look un peu Joker. Donc encore pour surfer sur leur effet clin d'œil. Donc, mais on ne sait pas très bien quel rôle elle aura, mais à part que ce sera, on suppose, un méchant de la semaine. Mais je ne Ouais. regarde plus Gotham, donc je ne saurais pas le dire. Ouais, c'est même plus du clin d'œil, là, hein. C'est vraiment une grosse main au cul, hein. Ouais. Ouais, c'est un peu spécial. Déjà avec ce qu'ils avaient fait au début de saison avec l'autre personnage, mais bon. Gotham est une réalité alternative. Ensuite, nous avons l'amoureuse transie de Arrow, Cupid, qui revient dans le prochain épisode de Arrow, donc l'épisode 16, qui sera diffusé le 22 ou 23 mars, je crois. Je dis pas de Aucune bêtises, idée, je sais qu'il n'y a pas eu Flash cette semaine. La le semaine dernière, 23 il n'y mars. avait pas Flash, donc c'est possible qu'Arrow Ouais. Ils fasse sont une en pause. pause jusqu'au 22-23 mars. D'accord, bah tu vois, Donc je savais pas. le 23 mars, nous aurons Cupid qui reviendra Ah, chouette. tendrement amoureuse de Oliver, ça fait plaisir. Ouais. Je vois ton enthousiasme, tu aimais bien ce personnage? Bah disons qu'elle était jolie, quoi. Mais après, elle servait à rien. Ouais, effectivement. Et en Ensuite. plus, Oliver, ça se voit que c'est un personnage de comic book, quoi. Il a une meuf. Ouais, je vais pas spoiler, mais bon. Il est avec une handicapée, ou. Et en face, l'autre, c'est un avion de chasse, quoi. Et le mec, non, je suis pas un mec facile, genre. Je sais pas. Ouais. Bon, vas-y. Ensuite, on va conclure avec une news concernant la France, plus précisément. Donc, c'est une nouvelle chaîne pour les séries animées est sortie le mois passé, je crois. Ouais, c'est Enfin, ça, ouais. début du mois, donc c'est Ah ouais, vu qu'on Toonami. parle de février, donc c'est ça, ouais. Ouais. Donc, c'est Toonami qui est dès à présent disponible sur Orange sur le canal 79, sur SFR sur le canal 131 et Numéri Câble sur le 211. Et donc, c'est une nouvelle chaîne qui est consacrée principalement aux comics. Vous pouvez retrouver tous les animés de Bruce Timm de l'époque et Young Justice et compagnie, je crois, si je ne dis pas de Et bêtises, Batman. c'est comics en général ou juste DC? Comics principalement DC, mais il y a aussi Ben 10 aussi, je crois. Mais je pense que ça appartient à Warner. D'accord, il faudra Mais je regarder pense, alors. si j'ai tout, si j'ai bien tout cerné, c'est principalement que les animes de la Warner, vu que Disney XD passe tous les animés de chez D'accord. Disney, quoi, de chez Marvel. D'accord, ok. Donc Ok. pour ceux qui sont abonnés chez un de ces trois-là, ça peut être pas mal s'ils aiment bien les animes de l'époque, ou même ceux qui sont sortis encore récemment, ils peuvent les voir à l'infini. D'accord. Voilà pour les news séries TV. Ben, on va te laisser poursuivre avec les News Comics VF. Ouais, qui ont été faibles, qui sont faibles aussi, mais bon. Donc Urban a décidé de se mettre à la consigne Batman Superman comme d'ici, donc. Et dès à présent, dans les kiosques, vous pouvez retrouver tous les numéros 1 des nouveaux. Dont on avait parlé le mois passé, et qu'ils ont tous une couverture alternative avec une Batman, l'autre Superman et l'autre Wonder Woman aux couleurs de Batman Superman. Ensuite, pour surfer encore sur Batman Superman et sur la sortie de The Dark Knight 3, il y a un superbe coffret regroupant The Dark Knight Return et The Dark Knight Strike Again qui est disponible dès à présent chez librairies et comic shop. Donc c'est pour vraiment ceux qui n'ont jamais lu Strike Return, c'est qu'ils veulent se mettre à jour, mais sinon c'est largement dispensable. Il est beau le coffret, hein. J'ai vu des photos sur Ouais, le Facebook, coffret il a est de la beau, est gueule, beau. hein. Ouais. Maintenant, si vous avez déjà les éditions, c'est un peu lourd d'aller racheter ça, surtout que Strike Again est très discutable, mais pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de le lire et qui ont envie de s'y mettre, en plus, je pense que le prix est assez démocratique. Ouais. Je pense qu'on tourne à 20 ou 30 euros, je crois, pour les deux. Tu parles bien, Vinge, des fois. Ouais. Ouais. Ouais, je me suis entraîné. C'est des heures devant mon miroir, ça, un peu dans le mois de février. D'accord. Voilà, c'est tout Ok. pour les comics VF. Donc on va passer aux News Comics VO avec le gros du truc parce qu'on va parler un peu après de Rebirth. Mais d'abord on va parler de 2-3 trucs qui ont rien à voir avec les comics mais que je voulais dire au cas où si vous n'étiez pas au courant. Donc il y a une application DC All Access qui est disponible donc sur Android et sur iOS. Donc voilà, pour être au courant de toutes les dernières news sur DC, je l'ai téléchargé, c'est pas mal, l'application a de la gueule. Vous l'avez pris les gars ou pas? Non, pas encore. Ah, pas Non. encore non plus, mais si tu dis que c'est bien, je vais l'essayer. Moi, Moi non plus. elle a de la gueule, elle est sexy, ouais. Ça va. J'ai quand même une question très existentielle. Est-elle disponible sur Windows Phone? Ça, je peux pas te répondre. Nous, on a que des bons téléphones, donc. Ah, mais j'ai iOS, mais je parle pour on sait jamais si des auditeurs sont sur Windows Phone et Ouais, ou voudraient savoir. qui sont sur 3310 et qui aimeraient savoir aussi, ouais. Ouais, mais non, mais je peux pas te donner la réponse là. J'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. J'ai rien contre Windows Phone, hein. Il n'y a pas de souci, hein, mais non, j'ai vu que ça. Donc, voilà. Ensuite, il y a eu un jeu Batman Superman, pareil, dispo sur iOS et Android. Ou sur Facebook, je sais plus. Non, je crois que c'est sur. Je ne me rappelle plus. Vous l'avez testé? Le gars est sûr de ses infos. Ouais, je me rappelle plus. Non. À moins que ce soit sur Facebook ou sur Internet. Et tu l'as Apparemment, testé? bah non, je m'en bats les couilles. Mais apparemment, ouais, c'est un jeu à la con, quoi. Non, ça vous a. Vous, non, vous êtes pas au courant? Non, j'étais Non, pas au je crois courant. que c'est sur navigateur en fait. Après, il faudrait voir si c'est pas sur iOS Android. Mais je crois pas, je crois que je me suis trompé. Je crois que c'est que sur navigateur. Donc, voilà pour les brèves. On va dire un peu hors catégorie. Alors, ensuite, on va attaquer Rebirth. Alors, donc, on a appris donc Clayman, Tom King et John Timms avaient signé un contrat d'exclus chez DC. Donc voilà, on va les avoir encore quelques temps. Alors je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Clayman il dessine bien. Tom King il a fait quoi? Il a fait Grayson, c'est ça? Grayson et ouais, Grayson chez Midnighter? DC. Midnighter, ouais. Non. Non, Non, c'est pas non, lui non, non, Midnighter? c'est Steve Orlando. Ah ouais. Il a fait Sheriff of Babylon chez Vertigo. Enfin, il Pareil, c'est fait pas mal ça en d'ailleurs. plus. Ouais. Ouais. Et Vision chez Marvel qui apparemment est Ouais, qui est très vraiment. bien. D'accord. Vision, c'est très très bien, ouais. Et il y a Sam Humphries aussi, il me semble, qui en exclut chez DC maintenant. Il a fait quoi lui? Que du Marvel, quasiment. Ah ouais. Et il y a aussi un. Mais ça, c'est tombé il y a pas longtemps, je crois, sur Twitter, un espagnol aussi, là, je sais plus qui. Pareil, qui disait qu'il allait encore bosser pour DC pendant 2 ans. Je me rappelle plus de son nom. Mais bon, les plus gros noms, c'était ceux-là en tout cas. Donc, Rebirth. Donc. Ah oui, Tom King, il a fait Omega Men aussi, Ouais, c'est qui ça. est très Ah bien, oui, très Omega bien Men, aussi. oui, qui est très bien, ouais. Alors, donc, Rebirth, donc pas mal d'infos. Donc, on a appris que Geoff Johns, il allait écrire le one-shot DC Universe Rebirth prévu pour le 25 mai, avec au dessin donc plusieurs artistes, dont Ethan Van Sciver, Ivan Reis, Phil Jimenez et Gary Frank. Et donc, ce sera un numéro de port, parce que pour 2,99 $, vous aurez droit à 80 pages. Donc, ça, c'est les. On va dire, c'est les prémices du relaunch, ou je sais pas comment ils vont l'appeler, je sais pas ce que ça va être exactement, mais bon, les prémices de l'événement. Ensuite, à partir de là, donc, il y a un tas de titres qui vont sortir. Donc, il y aura du double shipping et des titres qui vont sortir de façon mensuelle. Alors, on a appris déjà que donc, tous les titres seront à 2,99, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois que Marvel, c'est plus cher, et même DC en ce moment, ils ont des titres qui sont beaucoup plus chers, non? Ouais. Voilà. Les équipes créatives, on les a pas encore, on les aura le samedi 26 mars à la WonderCon. Donc dans 3 jours après la sortie de Batman v Superman. Mais bon, on commence déjà donc à. On a la liste de tous les titres. Alors, pour juin 2016, on les annonce tous ou comment on fait les gars? On les annonce tous et on en repart. Ouais, ok. Alors donc, au mois de juin, donc c'est échelonné, hein, ils vont pas tout sortir d'un coup, ils ont fait un truc, a priori, ils ont l'air d'avoir prévu leur coup, mais bon, on sait jamais sur un malentendu. Donc on aura des one-shots, donc au mois de juin on a Aquaman Rebirth tome 1, Batman Rebirth tome 1, bon à chaque fois c'est Rebirth dans le titre, hein, vous aurez compris, The Flash 1, Green Arrow 1, Green Lanterns avec un S 1, Superman 1, Titan 1 et Wonder Woman 1. Donc ça c'est les one-shots qui vont lancer les séries. Et donc, tous ces titres-là, donc je ne vais pas les répéter, ils seront donc bimensuels, donc 2 sorties par mois. En plus de ça, au mois de juin, ils vont donc relancer également en bimensuel la série Action Comics de l'époque, donc qui va être renuméroté à partir du numéro 957, et du Detective Comics à partir du 934. Alors déjà les gars là, vos avis, la politique, est-ce que ça vous convient? Est-ce que les titres vous plaisent? Expliquez-nous. Bah moi je l'ai déjà dit la dernière fois, moi ça me convient pas du tout, parce que les trois quarts des trucs que je lis, ça va être que du double shipping. Ça va me faire un budget DC Comics de malade, et voilà, je suis un peu saoulé, j'attends de voir les équipes créatives, mais je vais lire carrément moins de DC qu'avant, je pense. Et bon, ça on en reparlera après, ouais. Vinch, ton avis? Vinch? Merci Vinch. Moi je suis là, pardon. Ça couette déjà. Ouais, Non, Vinch. j'étais occupé à faire un test pour une Breaking News, je le dirai après. Tant que tu passes pas l'aspirateur, tout va bien. Non, j'étais occupé à tester l'application dont tu parlais juste avant. D'accord. C'est bien une application iOS. Les fans peuvent se rassurer, c'est un jeu qui se joue sur smartphone. Et tu parles de Mais quoi? De DC All Access ou du jeu? du jeu. Ah, du jeu, d'accord. Donc le jeu, tu peux le télécharger. Ouais, mais c'est de la merde. Tu cours avec D'accord. Batman, Superman, mais c'est de la merde. Bon, D'accord. soit. Ok. Alors concernant les titres, ben moi justement je voulais me retourner vers de la VO parce que j'étais un peu dégoûté du traitement urbain, mais du coup c'est vrai que la double ratio ça me fait un peu chier parce que ça va faire un budget de malade, et en plus par connaissance de cause chez Marvel, ben, double ratio est égal à diminution de la qualité en général, donc j'ai un peu peur pour mon portefeuille, pour la qualité des titres concernés, que les artistes n'arrivent plus à suivre ou qu'on se retrouve avec des artistes tout le temps différents. Donc Cédric? je demande à voir un peu, ouais, les équipes créatives, comment est-ce qu'ils vont gérer ça, etc. Mais c'est vrai que c'est bien que ce soit beaucoup moins cher. Maintenant, le fait que tu dois passer à du x2 pour certaines séries, ben, pour avoir la série complète, ça revient quand même à 6 $ par mois, quoi. Ouais, mais après, il y a quand même moins de titres qu'avant, quoi. Donc ça va être à peu près équivalent, je pense. Au lieu d'avoir 52 titres, on aura la moitié de 52, j'ai pas envie de calculer. X2, Ouais, quoi. maintenant, je lisais pas les... je veux pas lire les Mais 52 titres, mais voilà. je dis dans ce qui m'intéresse, la plupart Ouais, des... ouais. Comme Spectral, la plupart des choses qui m'intéressent, ben, sont justement doublées, quoi. Je suis d'accord. Moi, ça me ferait passer à 50 € chez DC au lieu de 30 et quelques actuellement, quoi. Donc, mine de rien. Cédric? Ouais, je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Spectra et Vinch. Le double shipping, c'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est forcément une baisse de qualité. On aura des artistes fill-in sans arrêt. Je suis pas du tout emballé. Par contre, pour les séries, ça m'emballe pas mal. Voilà, on va parler des titres en fait. Sur les titres que j'ai annoncés, qu'est-ce qui vous tente? Vas-y, Cédric. DC se ressentent pas mal sur ces marques fortes. Et en même temps, ils en ont besoin. Ils sont pas au mieux en ce moment financièrement. Et donc là, ils assurent les gros titres: Batman, Flash, Wonder Woman, Aquaman. Et je trouve ça pas mal. Après, j'attends les équipes. Tant qu'on sait pas qui scénarise. C'est difficile de se faire une idée. Hein. Si c'est Wonder Woman par les Finch, ça ne m'intéressera pas. Mais si c'est Tom King, j'essaierai, bien sûr. Moi, je suis plutôt content. 2 Flash par mois, c'est cool. Après, je lis pas énormément de titres, donc je veux dire, ouais, ça. Et puis, moi, j'achète pas tout, donc financièrement, ça va aller. Je pense que je vais m'en sortir. En plus, je suis blindé. Et sinon, Action Comics et Detective Comics, le fait que ça reparte, c'est une bonne nouvelle pour vous ou... Pour moi, ça change rien. Mais... Ça change rien du tout. De toute façon, ils étaient déjà là. Ouais, non, mais genre, t'es content. Toi, t'es vieux, Cédric, comparé à nous. T'es content que, t'es content que ça revienne au numéro 957 ou tu t'en bats les couilles? Ouais, je m'en fiche complètement. C'est un gimmick pour arriver au 1000, quoi. Ouais, voilà, c'est juste pour ça. C'est pour arriver au 1000. Comme ça, ils pourront faire des numéros spéciaux. Ils se rattraperont et le feront à $12 le numéro. C'est ça. Vous voyez mal partout, les gars. C'est pas bien. Alors, ça va venir vite en plus, hein, parce que 957 en double shipping, ça fait 43 numéros. En moins de 2 ans, on y est. Hein. Ouais. Pile poil pour un prochain reboot ou un autre. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, je disais donc, on le disait l'autre fois, bonne chance à Urban, parce qu'ils avaient donc déjà appelé les New 52 DC Renaissance. Alors là, je sais pas comment ils vont se débrouiller. Bah ouais, vu que, ouais. Bah c'est surtout qu'ils vont devoir augmenter leur rythme de parution aussi, parce qu'avec le double shipping, je suis pas sûr que ça va les inquiéter, eux. Non, ça va. Tu penses qu'il y a certaines séries qui sortiront pas du coup en casque? Ouais, bah parce que déjà maintenant sur le New 52, quand tu vois le nombre de séries qu'ils ont sorties, sur les 52, ils ont peut-être dû en sortir 12, donc je pense que c'est pas ça qui les arrête. Ils s'en battent un peu les couilles à ce niveau-là. Ouais, mais tu sais, je pense qu'ils vont simplement virer des séries. Qui, eux, ne leur ressemblent pas. Ouais, mais ils peuvent aussi augmenter le nombre de pages et mettre un peu plus cher, tu sais. C'est pas... Oh, mais les grands kiosques, en fait, c'est leur nombre de kiosques qui pose problème, parce qu'eux, ils veulent tout faire, mais avec 3 kiosques, tu saurais pas à un moment... Alors, tu ferais des kiosques de 200 pages, mais alors... C'est toujours pareil, c'est selon comment c'est acheté, quoi. Et là, moi, je pense que sur les kiosques, ils mettent un titre en plus par série, ils augmentent le prix un peu, et puis voilà, quoi. Ça passe crème, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que je pense que Detective Comics est déjà dedans, il passe en bimensuel. Batman aussi, donc tu te trouves déjà avec 4 numéros, alors qu'eux, c'est 5 maximum, voire 6. Donc, Ils en mettront 8, ils sont grands, et puis ils mettront un peu plus cher, quoi. En même temps, il n'y a plus d'autres séries Batman, il n'y a plus Batman et Robin. C'est clair. Enfin, attends, Juste Batman et des comics. Hein. Encore Nightwing. Ils les sortiront pas en kiosque, je pense. Bon, on continue avec les. Pour le moment, Grayson est dedans, donc c'est l'équivalent. Qu'est-ce que t'as d'autres? Ouais, t'as Red Hood, mais ça, c'est sûr, ils le sortiront pas. T'as Batgirl. On va aller dire maintenant, en fait. Faut pas spoiler. Bon. On va les annoncer. Non, là, on a fait que juin. Cédric, il va nous annoncer les titres de juillet. Alors, il y a encore des numéros Rebirth en one shot. Donc, on a Batman et The Birds of Prey. On a Hal Jordan et The Green Lantern Corps. The Hellblazer, Justice League, Nightwing et Red Hood and the Outlaws. Eh, t'es pas loin de Vince, toi, quand tu mets aussi. Hein. T'es jaloux de notre trop talent. Et parmi ceux-là, il y en a 3 qui seront bimensuels. On a Hal Jordan et The Green Lantern Corps, Justice League et Nightwing. Et ensuite, on aura des numéros qui seront juste mensuels, donc Batgirl and the Birds of Prey, The Hellblazer, Red Hood and the Outlaws, et Superman et Titans. C'est Superman avec un tir au milieu, pardon. Ouais, c'est Superman, ouais. Ouais. Là-dedans, il y a des trucs qui vous intéressent plus que d'autres. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les titres Green Lantern et le titre Justice League et Titan, ouais. Ça, je pense que je vais essayer, ouais. Ouais, moi, Titan, Green Lantern... Red Hood et Justice League, évidemment. Moi, Jordan, Justice League et pourquoi pas The Hellblazer. Par contre, Nightwing, putain, les enfoirés. Bah, Nightwing, on le voit revenir dans Titans Hunt, qui est plutôt une bonne série. Fais gaffe, spoil pas trop selon ce que tu vas dire, ouais. Cédric. J'ai peut-être spoilé un peu, mais j'allais en parler aussi pour la série Titans, parce que je pense qu'il va être une suite directe de la série Titans Zone, justement. Ouais. Et donc ça m'intéresse, ouais. Peut-être qu'il y aura un nouveau Nightwing. Hein. Peut-être que Grayson restera Grayson et qu'il y aura un nouveau Nightwing. Non. Ah, et c'est moi qui spoil pas. Hein. Ah, c'est ça? Mais j'en sais rien. Non, c'est pas ça. Non, c'est les parutions spoil pour nous. Chez DC, ils se prêtent tous les collants, les maillots et tout, tu sais, donc on sait jamais, quoi. Peut-être que... Tu vois. Poursuit, Cédric. Ouais, les sorties de l'automne. Ouais. Donc, encore des numéros Rebirth, fin de l'automne. Donc, on aura Batman Beyond, Blue Beetle, Cyborg, pardon. Deathstroke, Earth 2, Suicide Squad, Supergirl, Teen Titans et Trinity. Alors, ouais. Dans ces numéros-là, après Rebirth, on aura des numéros bimensuels. Donc, Cyborg, Deathstroke, Harley Quinn, Justice League America et Suicide Squad. Et après, on aura des numéros juste mensuels. Batman Beyond, Blue Beetle, Earth 2, Gotham Academy, la saison 2, Supergirl, Superwoman, Super Sons, Teen Titans et Trinity. Ça fait quand même beaucoup de titres. Mm. Là, dedans, Spectra. Ah bah Cyborg, un direct Instabuy, quoi. Putain, mais c'est... Franchement, Cyborg et Deathstroke en bimensuel, le rêve. Ouais, non, mais là, c'est vraiment une bande de... L'automne, là, j'ai pas fini de faire l'orageux, je pense, parce qu'il n'y a plus Grayson, il n'y a plus Midnighter, mais par contre, allez, on a un bimensuel Cyborg. Génial. Et il n'y a plus rien du tout de l'univers Dark, l'univers magique, mais rien du tout. Ouais, il y a le Blazer, ouais. Ouais, il y a le Blazer, ouais, c'est... Mais c'est en même temps, vu la merde qui était Justice League Dark, vaut peut-être mieux, quoi. Ouais, mais... Et sinon, peut-être un petit coup d'œil sur Blue Beetle et Supergirl, je pense. Après, il y a les séries comme Superwoman, Super Sons, on ne sait pas du tout ce que c'est. Super Sons et Teen Titans, c'est sûrement des séries orientées teen, façon Gotham Academy. Blue Beetle sera sûrement une série humoristique, ça pourrait être sympa. Sûrement un peu plus teenage, comme ils avaient fait au premier. Enfin, s'ils laissent toujours Jamie Reyes en Blue Beetle, évidemment. Moi, là, à part Earth 2, il n'y a rien qui me fait bander, quoi. Donc, La Suicide Squad, pourquoi pas. Ouais, ah oui, peut-être Suicide Squad. Ouais, ils vont peut-être foutre le Midnighter là-dedans, d'ailleurs. Moi, c'est sûr que c'est pas possible, quoi. Suicide Squad, c'est mort, je vais jamais lire ça. Ouais, moi je vais dire, ouais, je vais tester Earth 2 et Team Titan, quoi. Après le reste, Trinity ça m'intéresse pas non plus. Ouais. Bon, Trinity ce sera sûrement une série bien blockbuster. Hein. Ouais, mais il y a déjà Justice League et Justice League of America. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire de plus avec. Ouais. Je sais pas. Bon, globalement, alors Rebirth, qu'est-ce que vous en pensez? Bonne nouvelle Bon, je peux commencer. Moi, je pense qu'il fallait faire quelque chose, de toute façon, chez DC, parce que ça, au niveau des ventes, ça n'allait plus du tout. La ligne éditoriale était un petit peu floue avec DCU. Il y a quelques bonnes séries en DCU, mais c'est que les petites séries qui ne se vendent pas qui étaient de qualité, à mon avis, alors que les grosses séries partaient complètement à volo. Donc, je pense que c'était pas mal de remettre un peu tout ça à plat et de se focaliser sur les gros persos de DC. Après, on verra avec les équipes créatives. Vinch? Ouais, bah, je suis d'accord. Avec Cédric, c'est vrai qu'avec DCU, on savait plus très bien. Ils ont voulu faire tenter des trucs, mais ça n'allait plus au niveau des ventes. Puis là, je pense que ça peut être un bon tremplin pour eux de se recentrer sur le noyau dur de leurs personnages. Et avec les films, comme ça peut-être leur redonner des points et des ventes. Et ils pourront justement, après, redévelopper d'autres personnages ou séries un peu plus à faible budget, je veux dire, sur le côté, sans couler, quoi. Spectra. Ouais, non, franchement, oui, effectivement, comme Grey Pigeon et Vince, il fallait faire quelque chose. Donc, Rebirth, il est quand même la bienvenue. J'espère que le double shipping sera en tout cas mieux géré que chez Marvel. Mais voilà, en tout cas, c'est pas plus mal de se resserrer, voilà, sur les personnages principaux. Et si ça peut permettre après d'avoir des petites séries à nouveau. Et je crois qu'il y a Prez aussi qui va revenir en novembre. Prez reviendra à l'automne pour la deuxième partie. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bah, moi, ça va, je suis satisfait. Globalement, après, bon, moi, les chiffres de vente, je m'en fous, même si forcément, ça a un rôle. Mais bon, moi, je m'en fous, en fait, de ce qu'ils vendent, de ce qu'ils vendent pas. Mais comme vous disiez, donc, resserrer comment dire, la ligne éditoriale, donc mettre plus de grosses stars avec des gros titres, je trouve que c'est une bonne idée. Deux titres par mois, je connais pas jusqu'à maintenant, donc on verra, mais moi pour l'instant je suis content de voir ça. Après, ouais, faudra voir les équipes créatives, hein, c'est ça qui va un peu tout changer, quoi. Parce quand t'auras tes deux flashs avec Venditti tous les mois, ça va vite te saouler. Si c'est pour avoir des enculés comme Venditti, Van Jensen et tous ces mecs là, c'est pas la peine, quoi. Van Jensen s'en va de DC, par contre, ça c'est la bonne nouvelle. Ouais, j'ai vu, il s'en va tout court, il va faire un truc chez l'Indé, là. Il va faire de l'Indé, je crois. Ouais, bah, c'est bien, qu'il y voilà, lui se barre. Voilà, c'est ça en fait qui va vraiment tout changer, hein. C'est les artistes. Hein. Ils axent beaucoup autour de Superman, hein, quand même, j'ai l'impression. Ouais. Supergirl, Superwoman, Superman, The Superman. Il y avait pas des. Ouais, on avait parlé de Action Comics. Style, ouais, Action Comics. Ouais, Action Comics, ouais, le truc. Beau côté de Superman, ouais. Plus Trinity aussi. Ouais. Non, moi, on verra après. Bon, ça fait 5 ans qu'ils n'avaient pas fait de reboot. J'espère qu'ils vont pas en faire encore un dans les mois qui viennent. J'espère que si le prochain il sera dans longtemps. Après, concernant Flash, j'espère qu'ils vont pas encore nous refaire le coup des origines. Parce que ça va me casser les couilles, franchement. Donc, j'espère que les one-shots là et son DC Universe Rebirth, ça va aussi permettre de. Comment dire, de remettre la continuité en ordre, parce que c'est vrai que c'est un peu le bordel, quoi. On sait pas vraiment ce qu'il y a eu, ce qu'il n'y a pas eu, comment ça a eu lieu, c'était un peu le bordel, ça. Je crois que c'est un peu le but de Rebirth, enfin, si j'ai bien compris. Eh ben écoute, j'espère qu'ils vont bien le faire, et que ce sera un relaunch et pas un reboot, quoi. Que la continuité du New 52 soit gardée, quoi. Voilà mes souhaits. On verra bien. Vous avez quelque chose à ajouter, les gars? Non, c'est bon. Vince Spectra, bon. Non. Advienne que pourra. Advienne que pourra. De toute façon, c'est. Bon, on a hâte d'avoir les équipes créatives. Hein, ouais, à la fin du mois. À la fin du mois. Ouais. On va pas passer aux news série TV, enfin aux reviews série TV, parce qu'en fait, donc, on a presque arrêté toutes les séries. Et en plus, le mois dernier, on n'a pas fait de review Comics VF. Donc, on s'est dit qu'il fallait mieux parler de Comics VF, vu que le podcast est consacré à la base aux comics. Donc Vinch va se taper une bonne tartinette là de titres VF et on refait un petit bilan là. C'est quoi que vous avez arrêté comme série? Spectra, t'as arrêté quoi toi? Alors moi j'ai arrêté Arrow parce que ouais. Là ça commençait à devenir vraiment problématique entre les mêmes scènes tournées dans la même ruelle, l'intrigue qui bouge pas d'un poil et puis Felicity. J'ai arrêté Legend of Tomorrow très rapidement parce que voilà, comme je disais la dernière fois, j'ai l'impression de voir le même épisode à chaque fois et c'est vraiment très très mal joué, très très mauvais. Et là j'ai repris Gotham, hein. J'ai vu le dernier épisode et c'était pas dégueulasse en soi, mais il y a House of Cards saison 4 et j'ai mais pas envie grave, de grave je, ouais. Je me déteste pas assez pour continuer à m'infliger Gotham, je crois. Frank fucking Underwood. Je suis là. Je suis au troisième épisode. On en parlera là. Ah, j'en avais six, moi. J'en avais six. Ah, le mec. Ah, le mec. J'ai pas de vie, j'ai pas de vie. Putain. Ah, j'en ai vu zéro. Chut. Et encore, j'aurais dû en voir plus, mais j'avais pas d'internet vendredi soir. Et Frank Underwood, tu vois, c'est le mec. S'il existait, je sais qu'il me niquerait la gueule, mais je voterais quand même pour lui, tu sais. Parce qu'il nique la gueule, mais il le fait de façon trop classe, en fait. Bon, on en reparlera à la fin. Vince, t'as arrêté quoi? Arrow, Gotham j'ai déjà arrêté, Legend of Tomorrow et Flash j'ai toujours pas vu le dernier épisode parce que je me suis fait spoil le final et j'avais trouvé ça méga merdique, alors j'ai même pas encore regardé. D'accord, ah, t'es encore là quand même. Moi Legend of Tomorrow je suis à l'épisode 1, j'ai pas vu la suite, je la regarderai un de ces 4. Arrow j'ai laissé tomber, là, je l'avais dit, donc le mois dernier j'en peux plus, c'est terminé. Bon, Gotham j'ai laissé il y a longtemps, donc à la rigueur chers auditeurs, dites-nous si vous voulez encore des reviews séries TV ou si on met un autre truc à la place, une autre rubrique, dites-nous ce qui vous ferait plaisir. On peut chroniquer House of Cards, tous les mois. Non mais ouais, c'est vrai qu'après il faut voir, bon, je pense qu'il n'y a que Morgan qui va nous répondre comme d'habitude, mais voilà, bougez-vous un peu le cul et vous nous mettez un commentaire, qu'est-ce que vous aimeriez à la place ou si vous voulez vraiment qu'on continue à parler des séries télé, quoi. Parce que on continue à s'infliger, à se torturer pour vous. Parce qu'en fait moi je suis que Flash. Donc ouais, je pourrais chroniquer Flash une fois par mois si vous voulez, mais bon, c'est pas terrible, quoi. Moi un jour je me remettrai à Arrow, mais maintenant j'ai mieux à faire. Moi je me remettrai jamais à Arrow, c'est terminé. Là il y a tout qui arrive en même temps. Dans un mois, même pas, dans 15 jours, il y a Daredevil qui redébarque. Gomorra ça va pas tarder. J'ai la triplette de Chicago, il y a Viking qui a repris, ça déchire. Arrow c'est mort. Hein. Chers auditeurs, ce qu'il faut faire, c'est vous mobiliser massivement pour que Cédric voit toutes les séries estampillées d'ici. Et on a oublié un peu de retard, j'ai vu 15 minutes de Flash, c'est de toutes les séries, donc j'ai pas mal de retard. Ouais, mais les séries importantes. Hein. Finis-le l'épisode de Flash, Cédric. Ouais. Super, ouais. Rigueur. Bon, finis-le. Bah, Super Rigueur, tu as l'épisode 2, je crois. Mais c'était pas mal, hein. Enfin, c'était pas nul. Enfin, Je suis à épisode c'était. 1, moi. Ça passe en fait, mais en fait, quand t'enlèves le côté fanboy, quand tu vois les autres séries, tu peux pas en fait. Ça bloque. Voilà quoi. Le lundi, quand je marque Walking Dead, je suis comme un fou, tu sais, faut m'appeler pendant 1 heure quoi. C'est Walking Dead quoi, tu vois. Donc après, rebasculer sur une série comme Arrow ou quoi, c'est vrai que c'est dur quand même. C'est violent. La redescente est fatale. Regarde avant Walking Dead. Ouais, non, mais j'avais déjà essayé de faire des trucs comme ça, mais j'arrive pas à me concentrer en fait. J'attends tellement la suite que. Bon, bref, donc on va passer à la tartine de Vinch. Donc Vinch qui va Et nous ouais. chroniquer pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titres. J'ai 12 pages d'informations complètes pour vraiment être carré sur toutes les infos maximum. T'as de la chance que c'est quoi le match ce soir? C'est Lyon-Guingamp? Je ne sais pas. Ouais, t'as de la chance que c'est Lyon-Guingamp. Sinon j'aurais basculé en mute. Tu m'aurais Ah envoyé un petit texto. Ça y est mon gars, c'est bon. moi, je vais mettre en mute parce qu'il y a Valence Atlético Madrid que je suis en train de Ah regarder. l'enfoiré. Bon alors c'est parti Vince, on rigole, hein, on te taquine, on a vu ta chronique. Mais va Non, pas passer pas je trop de suis temps quand même. dégoûté. Bon, on commence Colchi avec. présente Batman tome 3, suite et fin. On t'écoute. Ouais. Maintenant, c'est à moi, ta gueule. Alors. Donc, comme je dis, c'est le dernier tome. C'est marqué en beau, en gros sur la couverture. Ils aiment même mettre des autocollants, c'est pas mal. Donc, c'est Paul Dini. La première, ça avait commencé, je sais plus quand. On s'en fout. Donc, ce tome-là, il se passe 6 mois après le tome précédent, entre guillemets, niveau publication. Donc, le tome précédent se situait avant Final Crisis. Et ici, on se trouve après Blackest Night. Donc, attention au gros spoiler, Batman était mort. Donc, on retrouve Dick Grayson sous le masque de Batman. Et c'est déjà Damian Wayne qui est Robin. Au début, j'ai été un peu perturbé vu qu'à la fin du tome précédent, c'est justement le moment où Bruce mourait, mais il n'y avait pas encore Damian en Batman et une musique extra. Donc, là, la transition, en fait, si vous n'avez pas lu Grant Morrison, vous risquez de vous poser des questions. Ils font souvent référence à voir Grant Morrison présente Batman. Il Donc, y a un éditorial au début qui explique tout ça ou... Ouais, il y a un passage à témoin, donc un petit éditorial, mais plusieurs fois dans le comics, ils mettent des étoiles pour dire se référencer à ce qu'ils ont publié avant. D'accord, oh, c'est bien. Pour vraiment se compléter. Donc je comprends pourquoi ils avaient attendu mis aussi longtemps à publier cette série. Donc là ici on a Street of Gotham, donc les numéros 1 à 4, 7 à 10, à 14 et 16 à 21. Ça fait 344 pages. Donc c'est un beau volume, je l'ai fini aujourd'hui même d'ailleurs. J'ai vraiment bien aimé parce qu'on se retrouve plus dans le côté un peu détective comics avec différents vilains étalés sur 2-3 épisodes chaque fois. Et on voit la progression de Batman, Dick Grayson et Damian. Et en même temps, on a une histoire de fond sur les parents de Bruce et de Thomas Elliot, alias Silence, qui se passe avant la naissance des enfants respectifs, donc dans le passé. Donc voilà, c'est pas une histoire qui va vous casser, c'est pas un méga gros blockbuster, mais justement, je trouve que c'est ça qui est bien dans l'histoire, parce qu'au moins, vous allez lire une histoire de Batman, détective comics, sans vous prendre la tête et sans avoir des trucs qui pètent de partout, des rebondissements à la con, à la Snyder, avec des finales explosifs où tout crame et tout brûle, en fait. Donc là, on se retrouve plus dans le classique avec Batman qui fait ses enquêtes, des vilains, des morts, des disparitions, et des enquêtes policières, justiciers, donc voilà. Je ne saurais que le conseiller pour tous les gens qui en ont plein le cul de lire Snyder et qui ont envie de lire un Batman peut-être un peu plus sombre, mais aussi très bien écrit par Paul Dini qui maîtrise parfaitement le Chevalier Noir. Ouais, je confirme, c'est du très bon Batman. Donc Je les voilà, avais ça lus à c'est. l'époque en VO et bon, je me souviens surtout du tome 2, c'était avec Art of Hush. Oui, c'est ça, le cœur des Et le. silences. Ouais, qui était Et excellent. le. Et le 3 fait suite à ça avec l'histoire des silences qui est toujours emprisonné, qui reprend la place de Bruce Wayne, etc. pour X raisons dont je n'expliquerai pas tout ça. Parce que pour le savoir, il faudra lire le comics. Ensuite vient avec quelque chose d'un peu plus douloureux. Donc Superman Unchained. Donc là-dessus, ça fait 245 pages. Et c'est donc la mini-série qui avait été publiée par Snyder et Jim Lee il y a 3 ans maintenant, je crois. À la Ouais, ça doit sortie être ça, de Man of Steel, à peu près, ouais. ouais. Ouais. Donc, c'est le numéro 1-9, il y a la complète. Donc, ça, c'était quelque chose de très. C'est très beau. Maintenant, c'est du Snyder aussi. Au début, ça commence très bien. Ça tire un peu en longueur. Et puis, à la fin, complètement plate et inutile. Donc, le prix est en plus est un peu cher, je pense que c'est 25 ou 30 euros le volume, parce que c'est, ils ont fait un beau format, etc. Le comic c'est très bien, mais je veux dire, si vous, à moins que vous soyez vraiment fan de Superman, que vous voulez voir des un truc un peu blockbuster, voir des mecs qui se tabassent, des Superman qui tabassent un mec aussi fort que lui, et des sectes, et des explosions et tout, bah, allez-y, mais si vous n'êtes pas vraiment fan, passez votre chemin, économisez 30 euros pour autre chose. Parce que c'est bien, mais c'est pas non plus, c'est pas le comics de l'année, quoi. Ça se laisse lire quand vous avez, si on vous l'offre ou si vous avez trop de thunes, quoi. Je sais pas si d'autres l'avaient lu ici. Ouais, moi je l'ai lu en VO. Dans la douleur. Ouais, dans la douleur aussi pour moi. Ouais, voilà. Ouais, déjà, il y avait eu, ça avait été parasité par les retards. Effectivement, les premiers numéros étaient sympathiques. Et après, c'était devenu un peu mou. Je crois qu'il y avait eu un moment bien trippant vers la fin où c'était de l'action un peu plus décomplexée. C'était bien bourrin, c'était assez sympa. Et par contre, le final, je l'ai trouvé, ouais, j'avais trouvé ça vraiment merdique à l'époque. Bien regretté mon achat. Là. Bah déjà, Snyder de base, il a du mal à conclure ses histoires. Et puis là, il y a eu tellement de retard dans la VO, c'est qu'on sent vraiment qu'à la fin, les auteurs, ils en avaient juste plein le cul, qu'ils voulaient juste clôturer ça, qu'on leur foute la paix avec cette merde. Un an et demi hein, pour avoir 9 numéros quand même. Ouais, c'est vrai que ça a été catastrophique. Surtout sur les derniers numéros, on a attendu 3-4 mois à chaque fois. C'était terrible. Non, c'est. Mais même en un seul tome, hein, ça vaut pas le coup. Non, même en un seul tome, c'est vrai que c'est vraiment sur vous là où vous avez trop de thunes et vous voulez du Superman parce que vous êtes fan absolu, mais sinon, passez votre chemin. Puis même, même si vous l'achetez pour Jim Lee, c'est beau, mais c'est pas non plus. Je trouve que pour le coup, Fabok sur plus que. Ah, largement. Mm. Ouais, il n'est pas à son meilleur niveau sur ce comics. Donc ensuite vient le super gros crossover Extra Size Doomed. Donc ça a été. Tout le monde en raffolait. Donc moi, tout seul, j'ai été. À mon comic shop pour l'acheter. Donc voilà, ça fait 536 pages, c'est un très gros numéro. Dedans, il y a Superman 30-31, Action Comics 31-35, l'annual 3, Superman Wonder Woman 8-12 et l'annual 1, Supergirl 34-35 et Batman Superman 8-12 et Doomed 1 et 2. Donc le pitch de base, ben, c'est Doomsday qui redébarque, qui sort de la zone fantôme et qui se fait un combat titanesque contre Superman. Superman le tue. Mais malheureusement, en mourant, Doomsday libère des spores qui infectent Superman et il devient petit à petit le nouveau Doomsday. Et donc, il ne sait pas très bien comment gérer ça face à cette nouvelle maladie qui le ronge. Donc voilà, c'est un crossover que j'ai trouvé un tantinet long pour ma part. Parce que c'est vrai que j'avais entendu beaucoup, beaucoup de bien. Maintenant, comme c'est un crossover qui s'étale sur plusieurs séries, il y avait des moments très intéressants, d'autres beaucoup moins. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage. Le fait qu'il y ait... je pense 4 ou 5 séries aussi dedans, ben, ça fait beaucoup d'artistes et de dessinateurs différents à chaque fois, donc j'ai trouvé ça un peu inégal sur la durée. Maintenant, c'est vrai que pour le New 52, c'est ce qui se fait entre guillemets de mieux, ce qui se fait de mieux jusqu'à maintenant en VF sur Superman, mais c'est loin d'égaler ce qui se faisait avant sur Superman. Je ne sais pas si vous l'aviez lu en VO, vous. Moi, je l'ai lu, je suis exactement du même avis. Jusqu'à ce que Doom sorte, il n'y avait rien eu d'aussi bien dans les New 52 sur Superman. Il y a eu mieux depuis maintenant, mais à l'époque j'avais bien aimé. Maintenant, en y repensant, c'est un crossover sympathique. Voilà. C'est un peu long. Il y a des séries en trop, Supergirl n'est pas nécessaire. Ouais, ça se bastonne pas mal en fait. Hein. Au début, c'est marrant, mais après ça tourne vite en rond, quoi. Ouais. Mais ça reste un bon tome. C'est bien mieux que Superman Unchained. Hein. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'est mieux que Hell on Earth ? Oui. Ouais, c'est pas difficile non plus. Ils l'ont jamais sorti en librairie, on se demande pourquoi. Ils l'ont sorti en kiosque, en série. Ouais, je les ai achetés, c'est le seul kiosque que j'ai pris. T'aurais pas dû. Pareil. C'était, à ce moment-là, je m'étais dit ça passe. Puis en fait, ils font chaque fois un peu mieux. Maintenant, je vais lire ce qui suit, donc il paraît que c'est encore mieux. Donc j'espère. Ça va relever le niveau, quoi. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir sur Superman pour... C'est quoi qui suit ? Le Killunch, faut le dire en anglais, parce que moi, j'y arriverai pas. La vérité. Troust ? Ouais, ça. Troust. Ah ouais. Ah non, ça, c'est pas Troust. Bon. C'est pas bon du tout. Troust, c'est... C'est la catastrophe. Ah, c'est du niveau Hell on Earth, hein. Ouais, c'est quoi Proust, qui est mieux qui est sorti après de Superman, après Doomed ? Il y a la série Superman American Alien et les séries Superman Lois et Clark. Ah, ok. Ah non, ça, j'ai pas encore. Si, j'avais lu, je pense que j'ai lu le 1 de Lois et Clark, Superman Alien, qui était pas mal. Ah ouais, Faudrait que voilà, mais après, sinon, dans la série normale, on va dire, les séries régulières dans la continuité et tout ça, trop, Ah non, c'est il n'y laisse a rien de tomber, bien. hein, c'est catastrophique, quoi. Ouais. Au début, c'est marrant, et après, c'est pareil. Déjà, il te parle d'un truc, et il te l'explique dans un autre titre. Donc, dans Superman, je crois qu'il se passe un truc, mais tu sais pas trop. Et donc, Action Comics, ils mettent 3 ou 4 numéros avant d'en arriver à ce truc qui s'est passé. Donc, déjà, c'est chiant. Et après, en fait, ouais, ça tourne en rond une fois de plus, quoi. Moi, je me suis arrêté après. J'ai pas persévéré pendant longtemps sur ce truc-là. Ah ouais, c'était ignoble, c'était hyper confus comme récit. Ça commençait super bien, le Ouais. numéro d'Action Comics était super beau en plus, mais après, enfin voilà quoi, l'écriture de Pac, moi j'ai un peu du mal. Et puis après, Geoff Johns c'est parti de Superman, donc c'est ouais, Mais c'était très après, moyen. Hein. l'idée de Superman contre qui est découvert par tout le monde et compagnie, c'est une bonne idée, quoi. Mais après, ce qu'ils en ont fait, moi, ça m'a pas troué le cul, quoi. Enfin, quand il est dans Non, son ouais. quartier, là, avec. Pff, ça, c'est Oh, enfin, c'est... oh là là, oh là là, oh là là, voilà. tu me remets des souvenirs là. Ah. Ah, Vous faites vivement plaisir, vous, pour Rebirth. lecteur VO et tout, ils se disent, ou oh, putain, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Ah ouais, non, mais là, il faut s'arrêter avec Doom, en fait. Hein. Ouais, C'est après, t'arrêtes et c'est tu reprends avec Rebirth. Voilà. voilà. Donc, on va continuer avec Future Ends, tome 3. Donc, tome 3 sur 4. On arrive bientôt au bout. Alors, là, on est à volume de 272 pages, 272 pages pour les Français. Nous avons donc Future Ends 24 à 35 à 35 dans ce volume. Alors on continue petit à petit l'épopée de Terry McGinnis dans le futur, sauf qu'on ne le voit que sur 10 pages sur le volume, ce qui est un peu gênant quand même. Mais sinon les alentours, ils continuent à développer le monde avec l'île de Cadmus, etc. Bah, personnellement, j'ai bien aimé en fait ce tome. J'aime bien la série Future Ends comparée à son homologue Eternal qu'on parlera juste après. Donc voilà, c'est vraiment pas ça à se lire sans complexe, c'est juste c'est une lecture un peu je sais pas comment le dire, c'est pas un truc intense à lire quoi, mais bon je trouve ça sympa de voir cet univers futuriste avec tous nos personnages, voir comment est-ce qu'ils ont évolué, etc. Dans ce volume-là, on se concentre principalement sur l'île de Canmus qui est l'œil et sur la petite Fifty-Sue qui est un peu perturbée. Et sur le nouveau Firestorm donc, qui arrive dans cet univers-là. Et bien sûr, pour découvrir de qui il s'agit, il faudra le lire, Moi, j'en relire le comics. suis. Je suis pas arrivé encore ça quand il y a la nouvelle Firestorm. Mais le peu que j'ai lu de ce tome, ouais, moi je trouve c'est cool Future Zen. En TP, ça passe crème. Ouais, ça passe super bien. Franchement, c'est sympa à lire parce que ça se suit, ça s'enchaîne. C'est sûr Voilà. Oh, c'est. qu'en single, ça devait être trop chiant à lire parce que tu as un numéro, tu as 4 pages sur un truc, puis après, Ouais, tu le bah retrouves trois numéros plus loin. y a beaucoup de personnages. Ils sont dispatchés aux quatre coins du monde. Donc, du coup, c'est clair que ça passe mieux en TP qu'en single. Hein. En Ouais, bah plus. là en TP, je kiffe bien, je le lis sans me prendre la tête et ça se lit, je l'ai lu assez rapidement. Et je trouve ça bien sympa à lire, les intrigues, etc. sont faites pour du TP, je trouve. Ouais, non, mais de toute façon, c'est clair. Sinon, tu prends un single, t'as la suite 4 mois après, t'as déjà tout oublié, quoi. Là, t'as le truc sous les Ouais. yeux, tu bouffes les 12 épisodes, et voilà. C'est impeccable. Ouais, c'est divertissant aussi, je trouve. Ouais, c'est pas T'as mal, j'ai l'air hâte de bien voir la dark en suite. plus. Dark? Ouais. Non, c'est dark sur le premier numéro, le 0, je crois. Et après, non, c'est plus dark. Non, c'est pas dark, hein. Non, c'est pas extrêmement dark. Ça se laisse lire, c'est pas. Y a que le Non, numéro franchement. 0 qui était un peu sombre, mais après, non, c'est pas du tout dark, Tu seras pas choqué, tu peux y aller, t'inquiète. J'ai envie d'être choqué. Tu seras pas Oh choqué non, avec maintenant, ça. Tu seras pas choqué avec ça. Ouais. le seul reproche que je pourrais faire au comics, c'est que tout ce qui se passe, en fait, ça a l'air d'être vain parce que chaque fois ils font des tonnes de trucs pour essayer d'arriver à un objectif, et au final, ils réussissent leur objectif, mais tu remarques qu'ils ne le réussissent pas vraiment, donc c'est ça qui est un peu dommage. Tu as l'impression que l'objectif primal de la série n'avance pas, et tu te demandes vraiment quand et comment est-ce qu'ils vont réussir à résoudre ça, parce que tellement on développe, donc c'est vraiment intéressant de voir l'univers comme il se développe, etc. Mais je veux dire, ce pourquoi Terry McGinnis est arrivé, ça passe vraiment en second plan, c'est vraiment le seul point négatif pour moi du comics. Ouais, c'est le temps que toutes les intrigues elles se connectent, quoi. Donc, ils Vu qu'on développent. arrive à l'avant-dernier tome, je veux dire, c'est. Ouais. Ils vont devoir précipiter la fin, quoi. Ouais. J'espère que ça va pas être bâclé. Le final ne sera pas bâclé. Je l'ai pas fait en VO non plus, donc c'est la grande surprise. Ok. Ben on va passer à Spectra, donc avec Batman Terre 1, volume 2. Ouais, une fois n'est pas coutume, je me suis pris un peu de VF. donc par Geoff Johns et Gary Frank, où une leçon assez sympathique de comment faire du neuf avec du vieux. Donc ça fait suite au premier volume d'Earth One, où on nous décrivait les débuts de Bruce Wayne en tant que Batman, hein, une itération de Batman bien plus maladroite, beaucoup plus réaliste. Et avec des personnages qui sont fidèles à ce qu'ils sont dans les comics, mais voilà, remis un peu à la sauce Geoff Johns, et avec quelques brins de nouveauté, avec un Batman qui est véritablement un gros branquignol et un bon gros bourrin qui a pas toutes ses capacités de détective ni le même intellect, mais qui donne le meilleur de lui pour pouvoir éradiquer le crime dans Gotham. Et avec des duos de personnages, du sidekick un peu inattendu. Donc franchement, c'était un bon volume que j'ai lu, que j'ai dévoré direct en rentrant du comic shop. Donc ouais, je vous conseille bien. C'est super beau en plus. Et franchement, si vous voulez lire du bon Batman, c'est sympa. Ça vaut le coup. Oui. Il y a gros vide. Bah, Vince, on poursuit. Ouais, non, franchement, je suis d'accord avec toi. À 100%, j'avais lu le numéro 1 à l'époque, quand il est sorti il y a 2-3 ans, je pense. J'avais vraiment pas été convaincu par cette itération de Batman. Mais là, j'ai pris celui-là plus par curiosité que par envie de voir ce Batman-là. Mais j'ai trouvé que l'écriture et l'évolution de Batman avait été vraiment pas mal. Et les reproches que les fans avaient fait, je vais dire, à l'époque, pour moi également, pour. Batman, ben là, Geoff Johns arrive à, je dirais, à répondre à ses critiques de manière intelligente, en montrant que vraiment son Batman est novice et qu'il va évoluer petit à petit, mais que ça va pas rester à blaireau. Par exemple, le côté détective, ben, dans le tome 1, on passait carrément à côté totalement. Beaucoup de monde avait râlé là-dessus, parce que c'est vrai que Batman qui est à blaireau, pas détective, ben, c'était dommage. Et là, ben, il y répond franchement. À un moment, on voit une conversation où il demande même à Gordon de l'aider à évoluer en tant que détective, parce qu'il évolue constamment, et j'ai trouvé ça pas mal. Les relations sont bien fichues aussi, avec Alfred, avec les Dent, avec Killer Croc. Le Sphinx a été réinventé aussi, Ah ouais, j'ai Killer trouvé ça pas Croc, mal. moi j'avais trouvé ça génial. Mais... Le Sphinx, c'est celui qui m'a, entre guillemets, un peu le moins convaincu, même si j'ai trouvé ça intéressant, la manière dont ils l'ont réinventé. Non, j'ai franchement adoré aussi. J'ai dévoré ça quand je suis rentré la semaine passée. Je m'étais dit que je vais lire quelques pages, voir ce que ça donne, et au final, j'ai lu tout le tome en un coup. Donc voilà, c'est achetez-le. C'est très bien. Personne d'autre ne l'avait lu en VO à l'époque, quand il est sorti? Non. Moi, je l'ai lu en VO et j'ai exactement la même avis que vous. Hein. Par contre, je viens de voir, je me demandais qui était le Sphinx et voilà, je viens de comprendre que Le Riddler, ouais. c'était ouais, le Riddler. Voilà, pardon. Je me demandais de qui tu parlais. Excusez-moi, j'ai utilisé son itération française. Ou le mystère. Mais c'est vrai que le tome 2 est mieux que le tome 1, je suis d'accord avec toi, Vinch. Le tome 2, je l'ai dévoré avec le tome 1, je l'avais lu assez péniblement. Et j'avais fini parce que les dessins de Gary Frank sont phénoménaux, et c'est toujours aussi bien d'ailleurs sur le tome 2, mais l'histoire devient plus intéressante. Toute façon, la gamme Terre 1, les Superman sont très très bons aussi. Je sais pas si c'est sorti en français. Ouais, c'est Oui, ouais, sorti. ouais. Les Dans deux une volumes bonne sont édition sortis. en plus. Hein. Il y en a trois en VO. Ah, bah, Le tome 3 n'est pas encore sorti. Ils non. ont regroupé le tome 1 et 2 en une seule édition. Et le mois prochain en VO, il y a le premier tome de Wonder Woman écrit par Grant Morrison qui sort. Ouais. Donc, je pense que ça arrivera en VF d'ici Ouais. peu, j'espère. Très certainement. Bah ouais, en plus, il y a le film qui sort, donc ils vont pas. Ouais. Ouais. Ils vont se faire plaisir. Ouais. On Poursuis, continue. ouais, vas-y, Vinci. On continue notre épopée dans la VF avec Green Lantern tome Elle a des 7. poupées. Ouais, c'est vraiment ça. Donc là, on est au tout dernier tome de Geoff Johns présente Green Lantern. Enfin, après. Ça fait combien de temps que Urban a repris les droits DC? 5 ans, non? Ouais, 8 ans, non? Non, ça fait. Non, c'est après les Non, New 52, pas donc. 5 ans. Ouais, ça fait Ouais, ça 5 fait ans, je encore crois. 5 ans. 5-6 ans. Ça fait déjà 5-6 ans que je relis des comics? Non. Je pense que ça fait 5 ans. Bah, le New 52, faut voir de quoi est-ce qu'il date, mais... New Ah bah 52, c'est ça date de 2011. 2011, c'est juin 2011. 2011 je crois, et chez Urban ça a dû arriver un an après je pense. Donc, au début, ils ont été assez rapides, vu qu'ils ont récupéré les droits, ils ont lancé peut-être 6 mois après, je crois. D'accord, bon C'était bah au parfait. moment où un peu avant que The Dark Knight Rise sorte, le dernier film de Nolan, donc c'était 2011 ici, je pense, non? Je ne sais pas. The Dark Knight Rise. Ouais. Je me suis compris, moi. C'était comment le titre du film? Rises. Ouais, Rises. C'était 2012, donc c'était ouais, fin 2011, 2012, donc ça fait 5 ans. Donc ça fait 5 ans qu'il a fallu pour avoir l'entièreté des 7 volumes. Urban n'est pas pressé. Donc je suis enfin content d'avoir pu lire L'Agent Orange. Donc c'est un tout petit tome qui fait 112 pages. C'était vraiment ce qu'il leur manquait pour clôturer le run et enchaîner sur Blackest Night qu'ils avaient publié il y a déjà 4 ans. Donc, ah oui, c'est pas fini après, mais ça continue après Blackest Night. Donc on arrive jusqu'à Blackest Night en fait. Ouais, voilà. Donc, parce que t'as l'Agent Émeraude après Blackest Night. Alors je sais pas si c'est déjà sorti en VF, mais... Non. Agent Émeraude, je connaissais pas. Donc pas Agent Émeraude. Bah j'ai oui, après Blackest Night et... Pendant Brightest Day, avant Flashpoint, il y a eu Emerald Agent, je crois que c'était. Ou Emerald Herald. Carol Ferris. C'était pas... Ouais. Il y a eu la Guerre des Lumières, mais... C'est pas Emerald of Night ou Knights of Emerald, un truc comme ça, non? Je confonds peut-être, mais en tout cas, Geoff Jones a continué d'écrire... Oui, ils ont continué, parce qu'il a fait la Guerre de la Lumière qui est sortie à l'époque en kiosque. C'était leur premier kiosque, c'était des showcases. Dans le showcase 1 et 2 de... D'accord. Et dans le HS Green Lantern Saga HS 1, il y a 5 ans, c'est sorti. Qu'ils avaient sorti ça pour compléter les parutions de Panini. Enfin, donc là, en ce moment, c'est un tout petit volume. Et c'est vraiment sa clôture, parce que la dernière page, c'est vraiment le début de Blackest Night. Donc voilà, c'était un bon petit tome où on découvre. Je vais tuer son nom, mais. Larfleeze, ouais. Voilà, où on découvre Larfleeze pour la première fois, entre guillemets. Donc c'est franchement c'est du Geoff Jones, c'est du Green Lantern, donc moi j'ai vraiment bien aimé cette partie là. Sauf que j'ai eu un petit coup de trop peu vu que le tome était vraiment très petit. Et donc voilà, je me suis enchaîné Blackest Night après pour clôturer cette histoire, vu qu'à mon avis je n'aurais pas de Green Lantern à un moment du côté de chez Urban. Mais donc voilà, si vous avez jamais lu de Green Lantern, ben ne commencez pas maintenant vu que les tomes 1 et 2 sont épuisés si j'ai bien compris. Donc c'est un peu tard pour commencer la série, mais si vous avez si vous manquez quelques numéros les derniers, n'hésitez pas à les acheter parce que c'est très bien. Et ça clôture enfin cette belle aventure que nous avions commencé il y a tant d'années. Bon, j'ai vérifié Emerald, c'était dans Green Lantern Corps, autant pour moi, c'était pas Geoff Jones. Ok. Donc ça ils ne vont pas publier pour le moment, je crois. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce tome-là, à part que l'histoire suit, c'est la suite toujours des numéros précédents, et c'est très beau, mais c'est vraiment une introduction à Blackest Night, donc la plupart des gens ont dû sûrement lire l'event quand il est sorti il y a quelques années, donc je ne suis pas sûr qu'ils ont besoin de l'introduction, mais si vous êtes compétitif, si vous aimez bien Green Lantern, ben, allez l'acheter. Et Larfleeze est un personnage vraiment, vraiment bien. Ouais, c'est un personnage vraiment bien, dramatique et en même temps marrant. Mais là, il est un peu quand même acharné dans ce volume-là. Ouais. Ensuite, nous passons à Batman et Robin, tome 4, donc le requiem. Donc, ça se passe juste après la mort de Robin. Donc, c'est Batman et 3 petits points de 18 à 23. Donc, nous avons Batman et Robin, 18. Batman et Red Robin, 19. Batman et Red Hood, 20. Batman et Batgirl, 21. Batman et Catwoman, 22. Et Batman et Nightwing, 23. Donc là, l'histoire, ça, c'est principalement donc, c'est après la mort de Damien. Et donc, on voit Bruce Wayne qui pète un peu les plombs, qui passe par plusieurs phases, toutes les phases du décès, le déni, où il essaye d'après de le ramener à la vie. Puis, il va un peu faire le tour de la Bat-Family, etc., pour essayer de trouver des solutions pour panser ses blessures et son cœur suite à la perte de son fils. Donc c'est pas mal, il y a quelques dans ces numéros là, il y en a qui sont pas mal, il y en a d'autres qui sont pas terribles du tout. Par exemple Batman et Catwoman, j'étais pas vraiment fan, Batman et Batgirl non plus, Red Hood et Nightwing j'avais bien aimé, Red Robin j'avais trouvé ça un peu light aussi, ça avec Frankenstein. Donc voilà, c'est pas la lecture du siècle, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. Le tome 5 c'est vraiment excellent avec Batman et Two-Face, mais ici c'est toujours dans la continuité de ce qui s'est passé avec Grant Morrison dans Batman INC à l'époque. Je ne sais pas si vous aviez lu ces épisodes-là en VO ou même en kiosque, ouais. Je ne sais pas. C'est surtout le premier chapitre qui compose ce tome 4 qui est vraiment un immanquable. Moi, j'avais bien aimé Batman et Red Robin. J'avais trouvé ça bien violent. En plus, il y a Carrie Kelley qui est là. Donc, ouais, c'est dans ce intéressant volume-là, je aussi pense de qu'il y voir a ce beau clin d'œil. personnage. Mais par contre, ouais, Batgirl et Catwoman, ouais, c'était vraiment très, très moyen. Et effectivement, après, l'arc avec Double Face est vraiment, vraiment énorme. Walid, je sais pas si tu je pense pas que tu lis Batman et Robin. Non, là je peux pas vous. Non, Non. j'avais lu Cédric. vite Ah, fait. moi, je les ai lus à l'époque, mais j'en ai aucun souvenir. Donc, Ok, ça ça ne ne m'a pas devait pas être marqué plus que transcendant ça. pour toi. Voilà. Voilà. On va passer à Batman Eternal, fin de série, dernier tome aussi. C'est le tome 4. Donc, ça, je l'ai lu, mais vraiment parce que je voulais savoir à la fin. Mais putain, qu'est-ce qui m'a saoulé ce tome. Donc, T'as dû être déçu. on a 336 Ah bah. pages là-dedans. C'est de. En même temps, si tu attends la fin, c'est bien, tu as une fin à chaque fin d'issue. Tu peux t'arrêter à chaque fin d'issue et une fin, puis après ça repart. Ouais, c'est ça, c'est que c'est long. On part. Franchement, j'aimais bien Eternal, mais il aurait quand même fallu 10 ou 12 numéros de moins pour moi dans ce délire. Surtout sur le dernier volume, je pense qu'ils résolvent le mystère de qui est l'inconnu qui fait tomber Batman au moins 8 fois Ah mais c'est fou, hein. sur 336 pages. Jusqu'à la fin, ils nous font des rebondissements à la con. Même si j'avoue que le vrai, vrai méchant qui se cache derrière, je m'y attendais pas spécialement, même pas du tout, je pensais pas vraiment pas que c'était lui. Qui avait eu l'idée, même j'étais content de revoir l'un des vilains, même s'il s'est encore fait expédier comme une tarlouse en moins de 5 pages. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment du Snyder encore et encore. Il y a tout qui pète, la ville crame, tout son monde s'effondre, mais après, tout va de nouveau toujours bien comme d'habitude. Mais ouais, voilà, franchement, il y avait 12 pages de trop, enfin 12 issues de trop là-dedans. Je pense que ce serait un peu mieux passé. Mais j'ai vraiment été lourdé par la fin. Ce dernier volume était vraiment beaucoup, beaucoup trop long. Et surtout pour la fin, comme c'est expédié en 13 pages, je pense qu'ils nous expédient tout un truc qui nous ont fait chier 50 chapitres avant pour nous l'expliquer, quoi. Donc, ouais, ça m'a un peu troué le cul. Mais voilà, si vous avez lu jusqu'au bout, franchement, allez en librairie, lisez les 12 dernières pages, mais vous infligez pas le sévice de lire toute cette merde. C'est vraiment trop chiant. Ou arrêtez-vous au deuxième tome de Batman Eternal, c'est bien suffisant. Ouais, il Ouais, faut j'ai lire plus le la premier ref. pour voir les dessins de Jason Flabbock, puis après ça suffit. Ouais, puis même entre les dessins, je me souviens, ça avait quand même hyper bien commencé, quoi. Au niveau de l'histoire, c'était sympa. Carmine Falcon, Ah oui, il y c'était avait plutôt bien, la ouais, avec. classe, Silence qui revient et tout. Donc il y avait des moments. Moi, je trouve que c'est parti en couille après Silence, quoi. Après, c'était foutu, quoi. Ouais, tout à fait. De Silence, c'est comme j'ai lu ça un peu en parallèle de Batman de avec Paul Dini, ben, il y a des trucs genre Silence, il l'enferme encore dans la Batcave, il arrive toujours au même endroit à s'échapper, ça fait 8 fois qu'il l'enferme dans la Batcave, ce trou du cul, ça fait 8 fois qu'il s'échappe, ils ont pas envie de l'enfermer autre part, j'ai pas compris le concept non plus. Tu mets tout le temps les mecs au même endroit, à chaque fois il s'évade, il prend le contrôle de toutes les installations de Batman, mais après 8 fois, tu te dis, il faut qu'on fasse autre chose, quoi. Mais eux, ils ont pas envie. Moi, Donc, ouais, j'étais c'était. allé jusqu'à Batwing et l'historique Batwing m'avait achevé en fait. C'était tellement Ah, nul ça, que c'était j'ai le arrêté pire. cette bande. Ah, Ça, ouais. c'était le Ouais. pire. Côté surnaturel, c'est qui le scénariste là? Ray Ray Fox. Fox. Ouais, voilà, lui, j'ai lu trois trucs de lui, les trois trucs, c'était de la merde. Surtout que j'ai même pas compris à quoi ça servait dans l'histoire de. À rien, en fait. Je te rassure, Wally, Ray Fox sera là dans Rebirth. Ouais, bah écoute, j'espère qu'il va faire un truc que je lis pas. Mais Ouais, c'est clair. les trois trucs que j'ai lus de lui dans ma vie, c'était de la merde, quoi. Les T'avais pas rumeurs, c'est aimé vrai qu'ils Gotham reprennent by Flash. Midnight, Wally? C'était pas Gotham by Midnight. Il a fait ça? Ouais, ouais, Ah, ouais. bah j'avais. Bah, c'est pas sur ça que j'avais fait mon mea culpa, j'avais dit justement que ça, sur ça c'était bien. Ouais, Il me semble, ouais. voilà, bah alors c'est le seul truc de bien que j'ai aimé de lui, c'était ça. J'avais pas lu grand chose, j'en avais lu deux numéros, je crois. Si tu trouvais ça cool, ouais. Mais après, il a fait quoi d'autre? Il y avait d'autres trucs qu'il a fait que j'ai pas aimé. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre en New 52, lui? Bah, je sais pas, il était surtout sur l'univers Dark que je connais peu, donc. Ouais, c'est ça, ouais. Ah ouais, il a pas fait des trucs. Je vais sur son wiki. Bon, allez-y, continuez, les gars. Quand je Ouais. trouverai ce qu'il a fait, je reviendrai vers vous. Donc on Ce va serait clôturer Constantine, voilà. Constantine. Constantine. Ouais, mais c'était pas terrible non plus. et des Justice League Dark. Voilà. C'est pas terrible non plus. C'est voilà. Tout ce qu'il a fait. Constantine, Justice League Dark, Trinity of Sin, Pandora. Ça doit être ça. Ça doit Pandora, être... c'est lui qui a fait Pandora. Bon sentiment. Il a fait aussi la. Il a fait aussi voilà la Maxi Dob ultime. C'était Batman Futures End. Vous l'aviez lu celui-là? Non, je l'ai pas lu. Ça me dit rien. Les épisodes spéciaux Futures End. Là. Ah non. Ouais, lui, je crois que je l'avais lu. Et c'est là que je m'étais dit putain, ce mec, il est vraiment nul à chier. Vivre de bons, de mauvais souvenirs là quand même. Les numéros spéciaux, les mois de septembre. Ah ça, moi, j'espère que ça va être fini avec Rebirth parce que c'est vrai que c'était pas une grande réussite en fin de compte. Non. Bon, non. Au début avec Vivian Smoon, tout le monde était tout content. Même moi, je m'étais dit ça peut être pas mal et tout de développer les vilains. Bon, sur je sais pas tous les numéros qui sont sortis, c'était un peu de la merde. Alors par contre, avec 5 ans plus tard, j'avais pas réitéré mes achats moi. C'est ce qui fait un peu peur avec le double shipping, parce que les numéros de septembre, ça permet d'introduire des nouveaux auteurs, des nouveaux dessinateurs, et on voyait qu'à chaque fois, ça baissait de qualité. Et avec le double shipping, on aura ça, on aura des numéros fill-in sans arrêt, parce qu'ils n'arriveront pas à tenir les rythmes. Et on verra. Ouais. Déjà là, en rythme mensuel, on a des numéros fill-in. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Mais... Ouais. Bon, de toute façon, on va clôturer l'AVF avec... Flash la légende, c'est un beau bébé de 432 pages. Ouais. Qui reprend. Vas-y, t'aventures pas, ça reprend le Silver Age. C'est quoi ? Les numéros essentiels de Flash. Non, Silver Age. Le Showcase 4, 18, 13, 14 et Flash de 105 à 116. Ouais, le Silver Age, donc des numéros des années 50 ou 60. Ouais. Toi, t'aimes pas trop les vieux trucs, généralement, t'es un peu comme moi. Il passe bien celui-là ou t'as mal à la tête ? Justement, en fait, dû au fait que ce soit Flash qui soit un personnage un peu plus un peu moins dark entre guillemets, je trouve que ça passe mieux parce que moi quand je voyais Batman être un peu teubé et être y avoir à faire des à niveau un peu humour 12 ans, je sais bien qu'à une époque Batman n'était pas dark, mais bon moi je l'ai toujours connu comme ça, donc ça m'a perturbé un peu. Ici le ton plus léger ne me perturbe pas plus que ça, vu que Barry Allen n'a jamais été quelqu'un qui se prend trop au sérieux non plus, donc je trouve que ça passe beaucoup mieux. Ouais, mais dans la narration genre t'as pas marqué, il dit pas ce qu'il va faire, tu sais, un peu comme les Power Rangers, tu sais. Ça, ils font plus maintenant. Maintenant, le mec il fait son truc, là il dit ce qu'il va faire, il le pense et après il le fait. Si, ouais, des fois, mais ça, c'est entre guillemets, c'est l'auteur par exemple. Tu vois, Flash qui arrive, enfin, comment l'expliquer? Je vais expliquer. Donc, t'as Flash qui se bat contre un gars qui a de l'électricité sur lui. Et Flash, eh ben, il prend des pièces en main et au même moment, t'as instantanément l'homme le plus rapide du monde inonde la centrale électrique de pièces. Mais ouais, tu vois qu'il fait ça en même moment. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, il te le montre. Et si t'es malvoyant, genre que tu sais lire mais que t'arrives pas à voir les images, bah en fait, voilà. En lisant le pavé dessus, t'arrives à savoir ce qu'il fait en fait. Et là, c'est la narration de l'époque. C'est pas trop relou, ça va. C'est la narration du Silver Age. C'est ça. Ouais. Hein, peut-être honte à moi, mais en fait, maintenant, les cases jaunes au-dessus, vu que j'ai compris le concept, je les lis plus trop. Je passe au... Parce qu'il explique carrément, tu vois. Donc, tu vois le gars qui dit instantanément, parce qu'il vient de lire, et juste en dessous la bulle, c'est ça. Tiens, décharge ton électricité avec ça. Ouais. Et il lui lance des pièces, donc c'est vraiment la même chose. C'est ça. Ouais, tu lis le comic sans la notice, en fait. Mais je crois que je vais tester après si ça marche. Bon, donc moi, je lis plus ça, mais sinon, ouais, le ton plus léger, etc. C'est sympa, surtout que tu trouves les premières... Le premier combat de Flash et de Capitaine Glaçon. Je prends la PF. Non, à un moment, il la sort, c'est là, Capitaine Glaçon, mais plus en boutade. J'ai l'impression qu'Urban a fait une petite blague, un petit clin d'œil, puisque je pense qu'il cherchait un nom, Capitaine Glaçon, mais au final, il s'appelle Capitaine Cold, heureusement. D'accord. Ce qu'il disait que ce nom était un peu ridicule. D'accord. Mais non, c'était. Il me reste encore quelques issues à lire, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé, et c'est plaisant à lire, surtout qu'on... Flash, c'est un personnage que j'affectionne particulièrement, donc maintenant, il y a quelques moments qui étaient un peu plus lourdingues que d'autres, mais dans l'ensemble, ça se lit très bien, si tu ne lis pas les petites cases au-dessus, évidemment. Okay. Mais sinon, ouais, franchement, je pense que tu l'as acheté, non ? Ouais, je l'ai acheté, ouais. Il est là, il est beau et tout, mais là, il n'est pas ouvert encore. Je suis trop à la bourre. Non, franchement, maintenant, c'est pas à lire d'un coup, tu vois, comme certains volumes où tu te foutrais dans ton canapé ou dans ton pu et tu te dis, je vais faire le comics. Ça passe pas à un moment, ça va te saouler, mais quelques numéros par-ci par-là, de temps en temps. C'est bien, c'est pas aussi relou que la mort de Superman, quand même. Non, rien à voir. La mort de Superman, même à part un numéro par an, ça passe, mais sinon, non, c'est pas pareil du tout. La mort de Superman, je faisais un épisode par jour. donc de 24 pages, ou de 30 pages, je sais pas combien c'était à l'époque là. Et le tome 2, j'ai abandonné carrément. Le tome 2, j'ai pas réussi. Mais le tome 1, j'avais bien aimé, hein, hormis le fait que ce soit lourd à lire. Non, je me lisais 3-4 numéros d'affilée, parce que les numéros sont pas énormes à l'époque. C'est une, Ouais. deux, trois. C'est 6 pages, donc 12 pages, 6 pages recto verso, donc t'as 12 pages, c'est pas. D'accord. Ouais. Ça se lit relativement vite, quoi. Non, je sais même pas D'accord. exactement de quelle année c'est, parce que sur la couverture, il le marque pas. Ouais, Non, mais un truc des années de l'époque, que je trouve complètement ridicule, c'est cette première page, c'est chaque fois qu'ils mettent, qui te spoil ce qui se passe à l'avant-avant-dernière page du comics. J'ai jamais compris le concept. ouais. Ils font ça sur tous les numéros. À chaque fois, tu vois ce qui se passe avant. Genre, quand il combat le vilain, tu vois le moment tendu de suspense. Je pense que Snyder s'est beaucoup inspiré de ça pour faire ses comics le jour d'aujourd'hui. Ça va trop loin. Donc voilà, franchement, c'est une bonne lecture et je trouve ça sympa, Urban, d'avoir édité quelque chose d'ancien, même si je regrette le fait qu'il n'ait toujours pas. Il y a tellement de choses éditées sur Flash de récentes, donc je regrette un peu qu'ils aient commencé par si vieux, même si comme ça, au moins, ça nous permet de vraiment arriver aux sources. En plus, il y a Wally qui arrive dans la série aussi un peu plus tard dans le tome, donc c'est pas mal. Et vu que c'est estampillé numéro 1, il y aura une suite. Il y aura sûrement il y a sûrement des numéros de Flash Anthologie dedans, qui sont réimprimés, non? J'en ai pas vu en fait. Peut-être le numéro de Wally, non, même pas. Même pas le premier numéro de Barry quand il devient un Flash? Non, Il c'est est... pas le. Non, parce que c'est pas le premier numéro qu'ils ont mis. D'accord. Bon, bah C'est ça un va, alors. rapide. Ah si, je dis des conneries, si, voici, Ah non, juste. tu dois avoir peut-être quelques épisodes en double, quand même, vu que dans Ouais, le Anthologie, tout j'avais premier mis numéro, des... c'est celui de. Si, j'avais mal vu, mais effectivement, le tout premier, c'est le mystère de l'éclair humain, le showcast numéro 4, c'est de 1956. Ouais, donc il y a C'est le tout moyen qu'il y ait premier. des numéros en double, quoi. Ouais. Ouais, Ok. effectivement. Ok. Voilà, donc ça clôture la magnifique partie Review Comics VF. Et puis on peut enchaîner sur les comics VO qui ne seront pas aussi longues. Ben, on va voir ça, hein. Alors, donc on va commencer par Batman 49, Spectra. Oui, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Donc, Grave. Batman 49, toujours écrit par Scott Snyder, dessiné par Yannick Paquette et avec Fairbairn à la colo. Bon, alors un numéro qui est très joli, hein, c'est pas Capullo, mais c'est pas agréable ce petit changement. Après, au niveau de l'histoire, j'ai trouvé le numéro vraiment très moyen. Donc, à la fin de l'épisode précédent. Attendez, je vais reprendre. Tac. Alors donc, on est toujours dans l'histoire du Bat-Chappie. Gordon est en bien mauvaise position car Bloom est en train d'exploser Gotham. Donc c'est reste une histoire de Snyder. Hein, faut que ça pète à un moment donné. Si on reconstruit pas la ville 40 fois dans l'année, ça va pas. Bruce avait des réminiscences de son passé, comprend qu'il était Batman et à la fin du numéro précédent demandait à Alfred le Manchot de l'emmener dans la cave. Et donc là, il va dans la cave, il va utiliser sa machine infernale là, à fabriquer des Batman, dont on avait eu un aperçu dans le Detective Comics, c'était le 27, le numéro anniversaire. C'est ça. Ouais. Et puis voilà, enfin c'est en gros c'est du Morrison Leader Price. Ah ouais, tu m'as fait peur. Ah ouais, Ouais. c'est le Morrison de Lidl quoi. Ah, c'est le Modissa du pauvre, là, oui, c'est clair. Ah ouais, donc c'est un numéro qui est complètement barré et complètement perché, mais c'est complètement hors de propos. Je vois pas quel était l'intérêt de faire ça. C'est du remplissage. On sait très bien comment ça termine. Donc Bruce Wayne redevient Batman. Et y a vraiment un truc en ce moment au niveau des capillaires chez DC entre la coupe de cheveux d'Al Jordan et la barbe de Bruce Wayne. Mais voilà quoi. Non seulement sa machine lui rend la mémoire, mais en plus elle lui rase la barbe. Enfin, c'est un truc. C'est assez classe. Mais je crois C'est que une tu as tout machine de résumé fric. quand tu as dit que c'est du remplissage. Enfin, faut arriver à Rebirth. L'arc aurait dû probablement se terminer bien avant, mais voilà, on fait. C'est pas le seul titre dans ce cas-là. Hein. Ah non, non, non, loin, loin de On là. Mais alors, par contre, maintenant. parlera de Flash plus tard, mais c'est exactement la même chose. On étire à mort. En tout cas, Ouais, tu ils sais que quand veulent. t'as pas le dessinateur principal de la série, c'est que tu peux te dispenser d'acheter le numéro parce que c'est un bon numéro filine et voilà quoi. Ok, bah Cédric poursuit à combien de 49? Aquaman 49, alors là pour le coup on peut pas taxer d'essai de tirer puisqu'on a une nouvelle équipe, donc je sais pas s'ils vont rester sur le titre après Rebirth, mais donc au scénario c'est Dan Abnett et Vincente Cifuentes au dessin, qui était déjà là sur la fin du run de Cullen Bunn. Alors, ça pouvait pas être pire que ce que faisait Cullen Bunn déjà, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais prendre ce numéro, puis j'aime bien ce que fait Dan Abnett. Donc là, on a un redémarrage complet de la série Aquaman. On repart quasiment comme au début des New 52, avec Mera et Aquaman qui vivent dans le phare, et qui vivent leur petite vie d'amoureux. Ils sont contents et ils font des plans sur l'avenir, exactement comme au début des New 52. Et on a une nouvelle menace qui arrive, comme au début des New 52. Voilà. Donc c'est un numéro un peu plaisant parce que après tout ce qu'on a subi là depuis un bon paquet numéro, il était temps de. Enfin moi j'en pouvais plus. Mais en dehors de ça, c'est pas un numéro extraordinaire. Surtout que Rebirth arrive, ça sert à rien de se lancer dans Aquaman maintenant quoi. Le fait que Dan Abnett arrive, je pense, ne changera rien. Ouais, mais de toute façon, un mec qui a pas commencé une série, faut pas qu'il attaque maintenant, sachant qu'il y a Rebirth derrière là pour laisser couler. Ouais, mais bon. Économiser pour les bimensuels quoi. On pourrait, je sais pas, c'est très possible que le Aquaman Rebirth soit basé sur ce qui se passe maintenant, surtout si c'est Dan Abnett qui reste sur le titre. Mais vu qu'on connaît pas encore les équipes créatives. Ouais, mais toi, t'auras pas besoin d'avoir lu ça, vu qu'il y aura un Aquaman Rebirth. Tu peux commencer Aquaman Rebirth numéro 1, tu vois. Tu peux économiser, ah ouais, mais tu peux laisser tomber maintenant, quoi. Ouais. Quand t'avais les New 52, par exemple, commencer Green Lantern avec le numéro 1 des New 52, c'était chaud, hein. Ouais, mais ça, c'est particulier, c'est un cas particulier. Mais après, globalement, tous les titres, en commençant au numéro 1, ça allait, quoi. Il n'y a que ouais. Green Lantern et Batman, peut-être. Ouais, en Batman, ça se lisait aussi, c'était, ça allait. Mais là, en l'occurrence, ce titre ne vaut pas le coup. Pour les fans d'Aquaman, ça se lit bien, ça fait du bien de revoir du Aquaman bien écrit, mais il ne se passe rien de transcendant. Hein. Voilà, il va y avoir un petit arc sympathique avant Rebirth, mais ça... Ils n'ont pas un petit peu abusé sur les boobs de Mera, par contre. Ah ouais, alors ça, par contre... Cifuentes, je ne supporte pas son dessin. Parce que... Il dessine très bien, mais Mera, mais toutes les poses, si elle n'est pas à moitié à poil, je ne sais pas comment elle fait pour respirer. Ah, c'est pas possible, quoi. Elle doit avoir des gros problèmes de dos, quand même. Ah, c'est clair. Continue, Spectra. Grayson 17. Ouais, donc Grayson 17, je vais pas m'attarder bien longtemps. C'est un numéro sympathique, sympathique sans plus. Il y avait rien d'éclatant, de flamboyant. Donc Dick Grayson et Tiger sont toujours poursuivis par Spiral et par Elena Bertinelli, qui pour l'occasion a missionné une petite équipe, notamment composée de Frankenstein et Grifter, pour les retrouver et les stopper. Voilà, dans ce numéro, on en apprend plus sur les motivations de Grifter. Ah, il y a Grifter carrément. Ah ouais. Ça tue ça. Ouais, alors le numéro précédent, du coup, quand ils apparaissent, enfin même Frankenstein, hein, Frankenstein, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi. Il était dans la série Hebdo, je sais plus laquelle. Dans Future Zen, ouais. Ouais. Mais Grifter, c'est vrai, j'ai pas pensé, ils ont pas annoncé de série Wildcat, ça pourrait être cool, quoi. Bah, sous les traits de Jana, en tout cas le mois dernier, l'équipe en imposait vraiment. Là, le dessinateur, c'est Di Giandomenico. Et graphiquement, ça tient vraiment pas la route. Donc du coup, tu perds un peu le côté imposant qu'avaient et charismatique qu'avaient les personnages le mois dernier. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, l'histoire avance. Et voilà quoi, ça va. Ça sent la fin de série. D'accord. T'as quelque chose à rajouter, Spectra ? Non. C'est ton dernier mot. Ok. C'était mon dernier mot. Ok. Cédric. Qui va nous parler d'American Alien 4. Superman, American Alien 4. Ouais, ouais. Toujours scénarisé par Mark Landis et dessiné pour ce numéro par Jelly. Et là, on a la classe de Jelly qui nous tape aux yeux. Quoi. Dès qu'on ouvre le numéro, c'est magnifique. Bon, il faut aimer son style, ouais. Mais même si on n'aime pas le style du dessin, on est obligé d'aimer la manière dont il est, comment dire, la narration. D'accord. C'est hyper dynamique. C'est fabuleux ce que fait Jelly sur ce numéro encore. Et puis, bon, alors la série, j'en ai déjà parlé, j'en parle à chaque fois, mais c'est la série Superman du moment. C'est juste pour résumer un petit peu le pitch de ce numéro-là, c'est que Clark Kent a quitté Smallville, arrive à Metropolis, Et donc, c'est les premiers jours de Clark Kent à Metropolis où il va rencontrer beaucoup, beaucoup de personnages connus de l'univers DC. Donc, il va rencontrer Oliver Queen, il va rencontrer Bruce Wayne, il va rencontrer Lois Lane, bien sûr, et principalement Lex Luthor. Et alors là où le seul petit problème que j'ai, c'est que c'est pas toujours évident de savoir exactement où on est dans la continuité DC, puisque apparemment ce Lex Luthor-là ne connaît pas Clark Kent. Ouais, c'est donc, un truc. Ça m'a un peu gêné à la lecture, parce qu'au début je me demandais mais comment se fait-il qu'ils réagissent comme ça, étant donné qu'ils sont censés se connaître. Et en dehors de ça, c'est un problème mineur. Hein. C'est vraiment une série sublime. Ça c'est pas dans la continuité, ça, si? C'est pas dans la continuité, mais c'est censé retracer les origines de Superman, et c'est des origines de Superman dans lesquelles Lex Luthor n'a jamais interagi avec Clark Kent avant, quoi. D'accord. Ça, j'avais pas trop aimé le premier numéro, mais je pense que je le prendrai en VF chez Urban quand ça sortira. Ah, c'est un immanquable. Vraiment, cette série-là, c'est mon coup de cœur de chez DC du moment. Ah, je me retiens de pas la lire, là, parce que j'ai vraiment, vraiment envie de l'avoir en relié, là, pour le coup, American Alien, mais putain, Jelly, là, ça me tentait quand même. Hein. Ah ouais, c'est sublime, sublime. Ok, ma Spectra, Midnighter 9. Midnighter 9, toujours par Steve Orlando et avec Akko au dessin, ou comment redoubler d'inventivité en racontant une histoire somme toute assez banale. Donc c'est largement spoilé, ça a été largement teasé, c'est la rencontre du Midnighter avec la Suicide Squad. C'est de la baston quasiment tout le long, et en fait... Le Midnighter est recruté par Elena Bertinelli de Spiral pour aller récupérer un des types qui est sous la coupe de l'Argus, enfin en tout cas sous la coupe de Waller, et il va se confronter à la Suicide Squad. C'est super beau, c'est la mise en page est toujours hyper intelligente, la découpe des cases et tout, la colo, il y a tout qui va bien, c'est franchement un numéro assez classe pour un bon numéro de baston. Voilà, Midnighter toujours aussi fun. D'accord. Ouais. Je me suis pris le TP, là je l'ai pas encore reçu, mais j'ai hâte de m'y mettre. Depuis le temps que tu nous le vends. Ouais, alors fais gaffe, hein, moi, j'ai lu Telos. Hein ? T'as dit quoi ? Ouais. Non, mais je disais de se méfier quand même, parce que des fois, je suis un peu plein d'enthousiasme, tu vois, j'avais bien aimé Convergence au début, voilà. Ah ouais, quand même. Ouais, Spectra, c'est le Bruno de l'équipe, hein. Ah ouais, mais t'as pas aimé Telos, quand même. Ah ouais, non, alors attends, j'écoute régulièrement les podcasts de Comic City, je pousse pas le vice aussi loin que Bruno, des fois, parce que... Enfin, c'est violent, quand même. Non, on rigole, hein, bien sûr. Bon, alors Cédric, continue, vas-y, Lois et Clark 5. Alors, Lois et Clark, une autre série Superman très bien du moment, qui est celle, par contre, celle-ci est dans la continuité, et... alors là, on est à fond dans la continuité de ce qu'on vient de dire, puisque cette série vient de Convergence. Et donc, il n'y a pas eu des mauvaises choses qui sont venues de Convergence. Cette série-là est excellente. Alors, on n'en a pas parlé encore dans le podcast, donc je vais résumer un petit peu de quoi il s'agit. En fait, dans cette série, on suit Lois et Clark de l'univers pré-New 52, qui, suite aux événements de Convergence, se sont retrouvés à vivre avec leur fils. Ils sont mariés et vivent avec leur fils dans l'univers des New 52. Mais dans un univers où il y a déjà une Lois Lane et un Clark Kent. Donc ils vivent cachés pour ne pas faire causer de problème à cette réalité-là. Et évidemment, Superman ayant les pouvoirs qu'il a, c'est difficile pour lui de rester caché. Donc clairement, c'est la meilleure série Superman en continuité du moment. Donc oubliez la série Superman, oubliez Action Comics et lisez celle-ci. C'est la seule qui vaut le coup. Carrément. Ah ouais, tu l'as lu aussi, Spectra ? Je me suis arrêté au numéro 3 parce que du coup, ça me plaisait tellement que je me suis dit que j'allais attendre de l'avoir en relié aussi, quoi. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est vraiment cool, et puis c'est hyper bien écrit, c'est bien, c'est les personnages sont bien caractérisés, c'est chouette. Ouais. C'est Dan Jurgens, ce scénario, donc un vieux de la vieille, et ouais, c'est très, très très bien. Et dans le même genre, je l'avais pas mis dans le conducteur, mais je voulais juste la mentionner, Titans Hunt, qui est aussi au numéro 5, je crois, qui aussi vient de Convergence, est une excellente série aussi. C'est peut-être un petit peu moins bien, je trouve, que Lois et Clark, mais c'est un peu plus action. Ah ouais, mais ouais, c'est un peu plus action que la série Lois et Clark, qui est beaucoup plus une série familiale, presque. Une série, on aime suivre la vie de famille de Clark et Lois, mais Titans Hands, ouais, elle est bien meilleure que la série New Titans Hands qu'on a en ce moment. Ok, on va passer au gros. Justice League 48. Geoff Jones et surtout Jason Fabok. Et là, Jason Fabok, là, et autant je le trouvais vraiment excellent depuis le début, mais alors là, je ne sais pas comment il fait. Il a réussi à se surpasser. C'est le plus beau numéro de la Justice League, pour moi, qu'il y a eu depuis les New 52. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez pensé. Ah ouais, ouais, ouais. La Fabok, ce qu'il fait là-dessus. La double page qu'il y a, je crois que c'est page 3 ou 4, là. Hallucinante, hallucinante. Apparemment, il va rester chez DC après Rebirth, mais pour un autre projet, mais ils n'ont pas dit quoi. Bon, il faut qu'il fasse du... Enfin, de toute façon, il va faire, ouais, un gros truc. Hein. Il faut qu'il fasse du Justice League. Il est né pour dessiner du DC Comics, de toute manière. Je ne le vois pas dans une autre maison d'édition. Ouais. Après, c'est un peu dommage qu'il s'en aille de la Justice League, parce qu'il est, parfait. Ouais. Il dessine bien tous les persos. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Sa Wonder Woman est magnifique. Enfin, tout est... Ouais. Mais c'est pas dit qu'il revienne pas sur Justice League Rebirth ou Justice League America Rebirth. Ouais. Ou Flash Mais Rebirth, OMG. Ouais, allez-y. Ouais, non, je voulais juste parler un peu de l'histoire, dire qu'en fait, j'apprécie toujours autant la Dark Side War, et ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'il fait référence à l'ensemble du run. Ouais. Alors on a du tout début hein, avec Darkseid jusqu'à ce qu'on a jusqu'à Forever Evil avec le Crime Syndicate, voilà. Et après on en prend ce qu'on veut hein, du premier arc de la Justice League ou le Forever Evil, mais moi je trouve ça bien que l'ensemble de l'arc de la Justice League soit complètement cohérent et que ça se termine avec un espèce de best-of de tout ce qu'on a eu sur ces 5 ans hein. Et c'est de loin pour moi le meilleur event de la Justice League, mais ouais, c'est clair. Moi, Justice League par Geoff Jones, il y a eu des hauts et des bas, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt positif. Hein. Et la Dark Side War, c'est génial. Ouais, c'est l'apothéose. Dans les meilleurs moments, je citerai Dark Side War et Throne of Atlantis. Ouais, Throne of Atlantis, c'était excellent aussi, c'est vrai. Voilà. Mais dans ce numéro-là, c'est hallucinant le nombre de personnages qu'on a. Hein. C'est hallucinant. Et voilà, c'est la Justice League comme je l'aime, moi. Épique, avec plein de persos, et puis des dessins fabuleux, hein, Fabok. Ouais. Son anti-monitor, là, il est vraiment, ouais, vraiment classe. Et puis il s'est rattrapé au niveau de la caractérisation de Wonder Woman, là, celle qui porte l'équipe, celle qui s'affirme en leader. Ouais. Puis son Allman aussi. Ouais, c'est classe. Ça ce que j'allais dire, le Crime Syndicate est beaucoup mieux que dans Forever Evil aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Beaucoup plus intéressant. Ouais. Ouais, moi c'est bon, moi j'ai pas lu grand chose ce mois-ci, mais entre ça et je sais plus ce que j'ai lu, ouais, c'était mon coup de cœur du mois, quoi. Mais j'ai pas lu grand chose, hein, encore une fois. Ouais, c'était mon coup de cœur du mois aussi, là, franchement. Ouais, moi avec Superman et American Alien, ouais, c'est Justice League, c'est vraiment solide. Il y a deux doubles pages dans ce numéro qui sont vraiment magnifiques. Ouais. C'est oui, tout. Ah, ouais, vas-y. C'est tout. Non, bon. Mais donne les numéros des pages, sinon. De toute façon, on ne peut pas les voir alors. De quoi ? J'y donne de toute façon, il faut acheter le numéro. Ouais. C'est de la balle. C'est de la balle. Achetez-le, vous découvrirez tout ça. Bah, continue Spectra, Green Lantern 49. Ah, est-ce qu'on est vraiment obligé de parler de Green Lantern 49 après avoir parlé de Justice League 48 ? Là, les reviews qui restent, elles tâchent toutes. Hein. Alors, une bonne nouvelle quand même dans ce Green Lantern 49, c'est la fin de l'arc dont on se contrefoutait depuis le début, en fait. Donc, à savoir Hal Jordan face à une organisation terroriste lambda d'un pays fictif qui est le Modora, où voilà, il est sur Terre et il sauve tout le monde. Voilà, et on va attaquer donc bientôt le dernier arc qui s'annonce quand même un peu plus intéressant, un peu plus consistant, parce que là, franchement, c'est vraiment brassé de l'air, quoi. Ces derniers numéros, je l'avais déjà dit la dernière fois, autant j'avais été séduit par le début du run de Venditti sur le DCU, c'était plutôt sympa. Voilà, le côté spatial et compagnie, et là... C'est vraiment pas intéressant. Et puis Jordan, oui, il fait un peu ado capricieux, quoi. C'est bof bof, ça dégouline de bons sentiments. C'est vraiment pas ce que j'aime lire. C'est Venditti, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça, Je c'est ne vendu. connaissais pas ce qu'on a, moi. Bah écoute, hein. Bah, Mais pourtant ça graphiquement, en fait tout des cas, mois qu'on ça. en parle, Ouais. Ouais. Mais ça tient bien la route hein, au niveau du dessin, ça reste très joli. Mais voilà, par contre, enfin, c'est quand même con d'avoir un personnage avec les pouvoirs qu'il a et de le mettre sur Terre dans des espaces un peu plus confinés où tu peux pas laisser libre cours au dessinateur non plus pour. Bah des fois c'est bien un peu de calme quand il est en train de voir sa famille, mais bon après si c'est Ouais, mais comme là, c'est Flash, voilà trop quoi. long. Il fait que Ah mais ça, là, il va voir Vincent. sa C'est trop famille, il long. va chez le coiffeur. Bah c'est ça, et Al Jordan qui va chez le coiffeur, sérieux. Et c'est le mec le plus recherché de l'univers, hein, quand même. Donc, Ah mais c'est Banditti, c'est un connard, et voilà, il fait chier alors quoi. qu'il suffisait d'aller chez Jacques Dessange pour le retrouver, quoi. Ouais, son coiffeur était vraiment peut-être très très bon, tu vois. Ouais. Peut-être qu'il a besoin de son coiffeur pour s'échapper. Vas-y, ah, essaie, je te laisse t'enfoncer tout seul, Vinch. Non, Mais j'essaie de normalement, trouver des Vinch, tu excuses, comprends moi. pourquoi il Merde finit de en toi, fait. hein? On comprend pourquoi il s'en va d'habitude. Ah, on va finir. Enfin, non, on va continuer, donc toujours avec Venditti et Van Ouais. Jensen avec Flash 49, Cédric. On va aller vite, hein, parce que Il n'y a je rien viens de en le fait. suivre, Je l'ai mais en lu. fait, il n'y a rien. Ouais, Il n'y y a a rien. rien. Bah, en fait, si vous avez lu le 48, ne lisez pas le 49, c'est le même. Ils font que parler. Et ça avance pas en fait. Et puis c'est d'un bête, mais c'est d'un bête ce numéro. Le maire en a marre de Flash, il veut arrêter le Flash. Qui va embaucher? Les Rogues. Ben, bien Voilà, sûr. c'est ça, c'est ça. Alors, on a un grand ennemi qui est Flash, donc on va embaucher les Rogues pour choper le Flash. En Et fait, alors les c'est. Rogues, en plus, ils trouvent rien de mieux que pour aller choper le Flash. Ils ont une espèce de satellite qui peut détecter la Speed Force. Ils envoient des drones tout péter Et là. voilà, des drones, voilà. Et du coup, ils détectent Wally West. Et les Rogues, plutôt que d'aller à l'école et d'ouvrir la porte, non, ils détruisent le mur. C'est complètement débile. L'idée d'avoir, on va dire, une sorte de satellite pour détecter hein, les speedsters et que, et on va dire, l'autre il a pas de chance, il tombe sur Wally West et l'idée elle est bonne. Mais oui, mais il y a quelques trucs sympas, mais Non, c'est mais tellement bête, mais c'est l'idée elle est mal bonne, écrit. c'est dans le développement en fait. Déjà, les espèces de drones, c'est pété. Déjà, ça c'est pourri, ça marche pas. Ensuite, les rogues qui viennent bosser avec les flics, ça peut pas marcher, c'est n'importe quoi. Et le fait que Flash, ils l'ont fait passer de héros à ennemi public numéro 1. Parce qu'il contrôle pas ses pouvoirs et donc Et du puis coup ils ont peur de lui. ça c'est venu en trois cases. Hein. Ouais, bah, ça c'est non, c'est venu en plusieurs numéros Ouais, vite fait. Hein. sur la fin de l'arc d'avant là avec comment il s'appelle Avec Zoom. avec Zoom. Mais c'est pareil, c'était trop comment dire, c'est trop maladroit quoi. Genre il contrôle pas ses pouvoirs, genre il va mettre le monde en danger alors que jusqu'à maintenant il sauve tout le monde. C'est des trucs de merde, c'est écrit par un adolescent on dirait. Il y a Mais aucune il y a finesse. des trucs de débiles de chez débiles. Ouais. Barry Allen va voir son père pour qu'il l'aide à truander la police parce qu'il doit faire une analyse sur son propre échantillon de sang et pour pas qu'on détecte que c'est qu'il est le Flash. Mais pourquoi Barry Allen ne demande pas à son père de lui donner un autre échantillon de sang? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'il trouve un moyen d'annuler le caractère Flash dans son sang à lui? C'est complètement bête. En plus, son père, c'est MacGyver, quoi. Ben ouais, c'est ça. Le Ben, le mec mec, il il. était 20 ans en prison, mais Ouais. c'est le scientifique le C'est meilleur ça. de l'État. C'est un scientifique. Alors, il s'échappe de prison pour, en fait, pour aucune raison. La raison, elle est bidon. Après, il l'aide à pécho Zoom. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Le mec, c'est un génie, quoi. Mais ça, c'est pareil, ça passe pas, quoi. Ah C'est mais je suis en n'importe quoi. colère, je suis en colère après Venditti sur Flash parce qu'il fait n'importe quoi. C'est presque aussi nul que ce que faisait Cullen Bunn sur Aquaman, c'est Ah ouais, dire. c'est à ce niveau-là, alors. Ah. Ah, Aquaman c'était pire. Putain, parce que là c'était. Là ouais, c'est quand même. Après c'est bien dessiné, j'ai bien aimé les dessins, c'est un français je crois qui les fait. Ouais, Philippe, j'ai Brion, oublié non? son nom. Brion, ouais, Brion, c'est ouais. ça. C'est pas mal fait. Mais après ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi les rogues du côté de la police, pourquoi pas, mais il faut l'amener correctement, quoi. Tu l'amènes pas Mais comme c'est ça. ça, mais en fait, les Rogues sont du côté de la police, comme tu dis, pourquoi pas? Geoff Jones le fait très bien dans la Justice League. Mais là, il se comporte n'importe comment, c'est pas crédible une seconde. Voilà. Ouais, donc un numéro à passer quoi. Bah, c'est Ah, bientôt la clairement. fin, hein. Il reste quoi, trois numéros et après voilà quoi. Ah bah, j'espère qu'il s'en va avant Venditti de Flash, mais enfin, je me demande sur quoi ils vont le mettre. J'espère qu'ils vont le mettre sur une série que je suis pas, genre Batgirl ou un truc comme ça. Ouais, ou peut-être qu'il Oh. va partir aussi, hein. Je sais pas. Hein. Venditti, il peut rien faire d'autre, hein. Personne veut de lui. Hein. Mais non, Il reste. il est chez Valiant aussi. Il fait Ouais, c'est XO vrai qu'il fait Manowar. XO Manowar. Ouais. Ouais. Il fait XO sur chez Valiant. Mais comment on peut faire XO Manowar et. Ben, c'est ça, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que XO Manowar, c'est super bien. Hein. Ah ouais, c'est j'avais juste lu là les numéros qui étaient sortis en VF là et j'attends les éditions Bliss pour en acheter. Mais Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Ouais. ouais, un petit coup de pub à l'ami Florent. Et mais là ouais, c'est mauvais quoi. Ouais, ce qu'il fait, c'est d'essayer, il n'y a rien de bien. Rien de bien. Il y a son premier arc sur Green Lantern qui était sympa. Ouais, le premier arc est sympa. Et Voilà. ouais, vraiment là. Ah, même au début sur Flash, c'était pas trop mal là. C'était lent. Tous ces arcs sur Flash, ils sont tous Ouais, trop lents. ils sont lents, ça c'est clair. Mais après, l'idée avec Future Flash, je trouvais que c'était pas mal aussi. Avec Zoom, c'était pas mal, mais après, le problème, c'est que c'est mal exécuté en fait. Il a Ouais. des idées, mais il a que les idées en fait. Il n'arrive pas à les mettre sur papier. C'est ça le souci qu'il a. En tout Ouais, mais cas, c'est on pour ça voit que vous qu'il êtes s'en fan de rappelle. Vinity, vous. Hein. Vous le portez dans votre cœur. Ah ouais, non, mais tout le monde s'acharne sur Scott Snyder. La vraie escroquerie chez DC, c'est Vanity. Hein. Yeah. Evan Jensen aussi, hein. Il est là, Ouais, il mais lui, ça crève va. et tout, mais lui c'est pareil, hein. On l'a grillé quoi. Il fait Faut aller n'importe quoi. à la liste du Marvel, les gars. Là, au moins, ils sont pas Ouais, mais là. c'est mecs dans le même délire, non, qui doivent les Allez, remplacer. chez Marvel, t'as Bendis quand même. Ah, Hein. c'est bon, ouais. Ça Attends va ça. Civil War, toi, tu vas voir. Tu vois ce que tu vas prendre. D'ailleurs, à la fin de Civil War, il y a Captain America qui meurt. Hein. Au début de Civil War 2, il y a quelqu'un qui meurt. Attends, on n'est Ah pas oui, dedans. ça c'est vrai aussi, ouais. Ah. Mais ça a pas Tué par commencé. Thor, mais c'était pas vraiment Thor, c'était un clone de Thor en fait. Ça a Qui s'appelait commencé Civil Ragnarok. War 2? Non, on parle de Civil War 1 là, on respoil Civil War 1. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, on va finir avec Age of the Superman. Apparemment, c'est pas terrible non plus, Cédric. Ah ouais, Ouais, j'ai hâte ouais. d'avoir ta review là. Bah en fait, j'allais juste dire, on va pas en parler, c'est une bouse, ne le lisez pas. Tu l'as lu, Spectra? Parce que Non, non, non, je. mais juste, j'ai eu deux, trois échos, notamment sur les podcasts de Comic City, là, Alors, mais ce numéro est hallucinant tellement il est d'un autre temps. Je pense que la revue de Flash, la légende de Flash, pense que ça fait plus moderne que ce truc-là. Ah ouais, Rien carrément. que de revoir le slip déjà sur le costume, ça m'a. Ah mais Lois Lane, elle est habillée comme ma prof d'histoire était habillée dans les années 90 et ma prof d'histoire, elle était vieille. C'est assez hallucinant. Mais tout est ringard. La narration, le dessin. Le dessin, ça va encore, c'est l'ancrage qui est ringard. C'est ancré avec les. C'est hallucinant. Il s'adapte, il s'ancre lui-même, Neil Adams. Mais là, enfin, là, Neil Adams, il faut qu'il arrête, quoi. Je pense qu'il a appelé DC, il lui a dit, ah, j'ai envie de faire un Superman. Ils lui ont dit, ah, cool, vas-y, fais-toi plaisir. Mais non, il fallait pas. Fallait pas. Ok, d'accord. C'est atroce, atroce. Ok. Vous avez C'est autre. quoi l'histoire? Ah, C'est vas-y, quoi ouais. l'histoire? L'histoire, c'est de la bagarre. C'est de la bagarre. Il y a trois Supermen qui arrivent dans le Cézou, ils se ressemblent tous d'ailleurs. C'est des Supermen un peu plus jeunes, donc c'est les Supermen du titre, et qui viennent aider Superman qui se bagarre contre des envoyés d'Apocalypse. Voilà. Donc c'est Ah hyper classique. Hein. ouais, d'accord. Et Lois Lane commente ce qu'elle voit. Elle travaille pour une chaîne de télé et elle commente. Donc en fait, c'est exactement la narration Silver Age. Donc Lois Lane commente ce qu'on voit dans les dessins. Ça va te plaire, ça, Wally. Ah ouais, c'est atroce, atroce. Deux. La petite narration à l'ancienne, là, Ouais, dans un comics non, mais c'est moderne. bon, c'est bon. Et j'en ai lu des bonnes reviews. Hein. J'ai du mal à comprendre. Peut-être parce que c'est Neil Adams, c'est que on n'a pas le droit de dire du mal de Neil Adams, mais non, il est cramé, le vieux. Arrête. Ok. Ok, vous avez encore d'autres personnes à insulter ou on a fini? C'était non, mais enfin, c'est une mini-série en 6. Moi, je n'irai que le premier. Hein. Ne le prenez même pas en relié. Hein. Il n'y a rien de bien. C'est moche. C'est nul. Non. Ok, mais on prend note. Moi, je comptais pas le lire, mais ouais, ok. Bon, on en a terminé, les amis. On va passer à la section. Ah ouais, on a eu un message sur le blog. Le Il est deuxième content. de notre histoire. Ah, puis il était lourd en plus, hein. on va pas citer tout le message. Alors déjà, c'est Morgane qui nous a écrit. Son blaze, c'est Nagrom Tsnassiaf. Donc Ouais, pas je mal. gros. Non, mais. En fait, c'est. Ouais, il nous dit que c'est bien, nanana, plein de compliments. Donc, on va pas aller sur les compliments, il y en a tellement et tout. Donc, Il doit c'est pas bien de se pas bien écouter branler dessus. souvent. Il doit pas écouter souvent. Deux. Bah, pour nous donner autant de compliments. Bah, écoute, apparemment, elle aime bien. Donc, bon, si vous voulez voir les compliments, vous allez voir sur le blog. On va plutôt regarder les questions qu'il nous a posées. parce que je pense que ça intéressera plus les gens. Donc, deux, trois questions. Alors, c'est quoi cette boutique partenaire du blog? Donc, la boutique partenaire, c'est Hong Kong Style. Ils nous demandent pourquoi ils nous sponsorisent et est-ce que ça coûte si cher que ça d'avoir un site hébergé sur WordPress? Alors, le site, c'est gratuit. Je paye Walou, je paye 0 euros par mois. Et le sponsor. Comment on dit? On dit le Bonsoir. sponsoriat? Ouais. Le Ouais, un petit sponsoring, peu. un petit peu. Sponsoring, bien joué. Ça, c'est Vinch qui t'est dans l'anglais, là. J'osais pas Yeah. dire. Et ouais, le sponsoring, non, j'avais vu qu'il avait une boutique de fringues, pas de fringues, de trucs de comics, manga en ligne, et je l'ai contacté, j'ai dit, suivant, on te fait de la pub et tout, normal, gratos, quoi. Et voilà, tranquille, et on lui fait de la pub. Mais sinon, ça va pas plus loin, quoi. On paye rien du tout, tout est gratuit, quoi. D'ailleurs, s'il veut On nous n'a même filer de pas la thune, il des n'y a codes pas de de souci. réduction. On n'a pas de code de réduction. Mais en tout cas, j'ai commandé moi et les trucs qui sont arrivés en 3 jours, quoi. Donc c'est une boutique très sérieuse. Vous pouvez y aller Donc les yeux en fermés. fait, c'est une boutique qui nous sponsor mais qui nous donne rien. C'est un bon sponsor, C'est ça. une boutique qui nous sponsorise. Et en fait, au Qui nous début. sponsor. Ouais. Enfin, la France. On dirait Vinch. Non, au début, en fait, Oh merde. au début, en fait, pour pas les auditeurs, mais les lecteurs du blog, en rentrant un code dans la boutique, ils avaient droit à un pourcentage de réduction, en fait. D'accord. Voilà. Voilà, depuis le temps maintenant, le truc il est plus d'actualité, quoi. Mais bon, j'avais fait un ou deux concours avec lui, en fait. Donc, j'avais fait gagner à l'époque, j'avais fait gagner quoi, une Funko Pop Flash, un t-shirt Flash et un autre truc Flash. Donc, il y a des Les fois. Ouais, l'autre Flash. choses en ayant entraîné d'autres, c'est toi qui avais tout gagné à chaque fois, quoi. Voilà. J'ai eu des idées, mais je l'ai pas fait. J'ai eu des idées de faire un faux concours pour faire gagner une PlayStation 4 et d'envoyer la PlayStation et de dire que le gagnant, en fait, il n'existait pas, donner un nom à la con pour. J'ai pensé à faire ça, mais je l'ai pas fait. Donc, j'ai fait un concours à la taille du bloc, quoi, et il y avait des gars qui avaient gagné. Je sais plus qui c'est qui avait gagné. Il y avait trois mecs qui avaient gagné. Donc voilà, des fois on fait des concours avec eux, quoi. Donc, non, ils font quand même un geste envers nous, quand même. Restez à l'écoute, peut-être de prochains concours arriveront. Faut que j'aille voir l'ami là. Mais là, il est parti en vacances au Japon. Une nuit avec Vinch a gagné. Oh putain. Dans sa cave Ah, à on vient de Bruxelles. perdre 10 auditeurs. Ouais, je crois que mon PC il est hanté parce qu'il y a des fois il y a un film de DC qui se lance tout seul en fait. Je te jure. Ouais. Ouais, il y a un. Bref. Donc ouais, voilà, c'est un truc, c'est un peu demandant. Des fois on fait des concours avec eux et tout. Et puis en plus ils sont super cool. Si vous écoutez Comic City, ils écoutent souvent leur podcast. Donc Hong Kong Style, commandez chez eux. C'est des braves gens, ils sont sérieux. Les colis arrivent rapidement, ils sont pas abîmés et c'est impeccable. Voilà. Ensuite, deuxième question. Pourquoi Gré Pigeon se fait-il appeler Cédric? J'aurais plutôt dit l'inverse en fait, non? Pourquoi Non, Cédric se fait appeler mon Gré vrai Pigeon? prénom, c'est Gré Pigeon et mon pseudo, c'est Cédric. Vous comprendrez pourquoi j'ai pris un pseudo. Je remercie mes parents. C'est vrai qu'il s'est un peu troué là, le Morgan. Et donc pourquoi tu te fais appeler Gré Pigeon? Ah, non, c'est une vieille histoire. Faudra écouter un autre podcast, je l'expliquerai peut-être un jour, mais non, je ne peux pas l'expliquer. Ça sent le dossier là. Ouais, c'est ça. Et il nous demande enfin si Vinch c'est son vrai accent anglais ou il le travaille quoi. Ouais, je le travaille tous les jours. Je fais des exercices pour arriver à ce niveau de perfection-là. C'est pas donné à tout le monde, je sais. Je pense que tu t'entraînes pour avoir un accent de merde en fait. C'est plutôt l'inverse, non? Non, tu es jaloux, je peux comprendre. Mais c'est du travail, du travail, du travail et du travail. D'accord. It's Non, mais a laisse travail. tomber, Vinch. C'est les gens qui Easy habitent en work. France. Les gens qui habitent en France, ils peuvent pas comprendre. Donc c'était les trois questions de Morgan. Donc si vous voulez voir tout ce qu'il a mis, vous allez sur le post de l'épisode 18, là, Flashpoint 18, et vous verrez tout ce qu'il a marqué. En tout cas, merci, ça fait plaisir d'avoir autant de compliments. Ça nous touche. Merci beaucoup Morgane de nous narcissiser dans cette période difficile. Ça faisait bien, bien plaisir ce commentaire. Et Morgan, tu peux noter aussi qu'on accepte le liquide, le chèque, les espèces, carte bleue et Western Union aussi. Bon, on va passer à la partie on va dire geek. Donc, qui veut commencer? Moi. Vas-y. Moi, j'allais dire Vinch, ça fait 19 numéros qu'on aimerait savoir ce qu'il fait. Bah Ah non, oui, c'est j'étais là au vrai. début. Ouais, c'est vrai. Le meilleur pour la fin. Ouais, on finira avec Vinch. Finir avec Vinch. Spectra, alors. Non, mais justement, parce que j'ai pas fait grand-chose en fait. Donc, toujours en train de geeker comme un enfoiré sur Destiny, j'arrive pas à jouer à autre chose. J'arrive accessoirement à aller travailler, voir mes copines, mais voilà quoi. Sinon, les podcasts de Comic City et puis le film Deadpool que j'ai trouvé bien, bien sympa, bien quand même pour une adaptation de comics plutôt fidèle à l'esprit en tout cas du personnage. Après, c'était bien gras, bien, bien lourdingue et tout, mais je me suis quand même bien, bien fendu la gueule, quoi. Donc, voilà. Moi je l'ai vu Deadpool et en fait au début j'ai trouvé ça normal en fait et je trouve que ça monte en puissance en fait. Le seul défaut que j'ai trouvé dans le film en fait c'est que la bande-annonce a montré en fait dans le film il y a deux scènes d'action en gros et la bande-annonce elle te montre une des deux scènes d'action. Donc j'ai été un peu déçu de déjà presque tout savoir, enfin presque avoir tout vu. Et après la partie un peu origin story où on nous raconte comment elle est devenue, j'ai trouvé ça un peu lourd. Mais en fait après c'est tellement tapé des barres. Franchement, c'est vulgaire, c'est tout ce que j'aime. Du coup, ouais, j'ai passé un super moment. Donc, vous pouvez Et noter que... vous l'avez vu en VF ou en VO? Ah, en Non, VF, non, VO. malheureusement. VF. Ah putain, tu l'as vu en VO. Ouais, mais moi Ah, aussi, je mon gars, il pense n'y a que pas. ça. Ah, mais je pense que ça joue aussi sur l'appréciation que tu as du film, parce qu'un film comme ça et les blagues, ça doit être difficile en VF. Ah non, mais ça passait quand même. Hein. Moi, j'ai tapé des Ouais, barres. Hein. c'est bien. Franchement, ouais. J'étais vraiment étonné, quoi. Ils sont partis loin, quoi. Il y a des moments, c'est... ouais, ils sont bien vulgaires, les blagues elles sont bien bien graveleuses, hein, mais en VO ouais, ça doit être certainement mieux quoi. Moi, il y a pas chez moi en VO pour ce film-là, mais ouais, j'ai passé un super moment quoi. J'aurais pas dit, tu vois. Mais ouais. Donc bravo à c'est qui? C'est la Fox? C'est la Ouais. Fox, ouais. Voilà. Bah, bravo à la Fox. Ouais, bravo au mec déjà qui avait leaké la scène de baston en image de synthèse à l'époque, Ouais, qui c'est lui avait qui avait. permis de Ouais. créer tout un buzz autour du film. Et puis, putain, bravo à Ryan Reynolds d'avoir assuré une com de malade et d'avoir bien porté le film. Ouais, là, lui, sa com, elle était bonne. Par contre, la com des CM sur Facebook et Twitter, c'est des gros forceurs quand même. Vous êtes tombé dessus un peu aussi ou pas? Non. Non? Bon, bah, vous irez voir la page officielle de Deadpool. Le mec en français, il est pas doué, je trouve. Par contre, Ryan Reynolds, il s'est quand même bien gavé sur tout ce qu'il a fait, quoi. La partie, on va dire, américaine de la communication, c'était du bon boulot, quoi. Donc, moi, je valide. Allez le voir, franchement. Mais je pense que tout le monde l'a déjà vu. Ah, moi, j'ai pas vu. J'ai pas vu, d'accord. Ah, puis il Continue, y a ouais. quelques petites références sympas quand même. Ouais, moi, mais en fait, il y a tellement de références que tu peux... Enfin, pas que dans les comics, il y a tellement de références dans tout que pour tout capter, c'est balèze quand même. Les easter eggs et tout, il y en a de partout. Ouais, putain. Ah, puis avec une joyeuse journée de la femme, là, il m'a bien fait triper quand même. Ouais, voilà, ça, après des fois il fait des réflexions, je sais plus, quand il... Bon, après on va pas raconter le film, mais à un moment donné il fait, ouais, on pourrait pas avoir plus d'X-Men que ça, ou un truc comme ça, tu sais. Le budget, il se Ouais, moque de tout putain, en fait. les références au budget. Je trouve Voilà. moi, ce que je reproche au film, c'est que ils ont pas assez poussé le quatrième mur, quoi. Ils sont restés assez basiques là-dessus. Il s'adresse aux spectateurs, mais c'est pas hyper original, ou voilà, c'est vraiment des petits moments. Ils auraient pu faire mieux, je pense, avec ça, Après, on verra dans la suite, parce qu'il y aura une mais. suite, et là, il y aura un vrai budget, et là, ils vont faire confiance au projet, donc il y a moyen que... Il n'y aura pas un gros budget, hein. Ah ouais, toujours pareil? Non, Ah ouais. non, il y aura peut-être un peu plus, mais le réalisateur a dit que de toute manière, pour raconter une histoire de Deadpool, il n'y avait pas non plus besoin de. Et c'est le même réalisateur qui reste? Ouais, Ah, ouais, ouais. ça, c'est une bonne nouvelle, par contre. Ouais, mais maintenant, je pense qu'il faut quand même mettre un peu plus de moyens la Fox, que la Fox voulait vraiment pas mettre de moyens, parce que c'est vraiment parce que Reynolds et le producteur ont poussé pour faire le film, mais Bah, si quand on tu vois ce peut. qu'il a rapporté, je pense qu'il faut quand même leur lâcher plus de thunes que le pauvre budget qu'ils ont mis pour le 1, quoi. Bah, si on peut avoir en guest des mecs. Enfin, après, je veux pas offenser les fans des X-Men, mais des gros mecs de Marvel et des mecs plus charismatiques, Colossus et l'espèce d'enfant là, ça peut être pas mal quoi. Négasonic. Négasonic, voilà. Donc, Teenage Warhead, je sais même pas si elle existe dans le comics, elle. Elle ouais. existe dans le Si, elle comics? existe, Ouais, elle ouais. existe. Alors, elle est Oui. pas du tout comme ça, le comics, elle est pas. Ah, téléphone, je crois. Mais. Mais ouais, voilà, mettre des gros mecs de Marvel, ça peut être pas mal, quoi. Ça peut être marrant. Mais donc, ouais, moi j'ai kiffé. Sinon, Spectra, vas-y, continue, c'était à toi. Eh ben, non, mais moi, c'est tout, hein, pour les trucs de geek, hein. Ok. Cédric? Alors. Côté geek, j'ai House of Cards, forcément, Ah! saison 4. Ça fait plaisir. C'est pas très Saison geek, ça. 4. Bah, c'est pas très geek, House of Cards? Non, j'essaie de rattraper mon retard sur les séries d'essai que je n'avais pas lu en single, et j'ai lu notamment Prez ce week-end, j'ai trouvé excellente. Donc je continue mes reviews. Pour le coup, là, l'arc est fini, donc si vous pouvez choper le TPP, prenez-le, c'est une très bonne série. J'avais lu le sneak peek à l'époque qui ne m'avait pas emballé, mais là, les 6 épisodes de la suite, ça se lit vraiment très bien. Une série très intelligente. Sinon, en série télé, House of Cards, j'ai regardé Sense8 aussi, avec un peu de retard. Oh là là, tu l'as fini? Non, j'ai pas fini encore. T'es pas au bout de ta vie quand tu regardes? Ouais, c'est ça. C'est que c'est difficile d'enchaîner les épisodes parce Oh que putain, c'est un calvaire à la fin de chaque épisode, je suis en larmes. Mais j'adore. Hein, c'est vraiment très beau. Ah, t'aimes? Et puis ah, j'adore. C'est très bien écrit. Hein, c'est Straczynski qui est au scénario. Ouais, mais même si c'est lui, hein, il y a des bonnes idées, mais qu'est-ce que c'est long, putain! À chaque fois, je matais la suite parce qu'il y avait toujours un petit détail vers la fin qui me donnait envie de voir la suite. Ouais. T'es allé au bout, toi, ou pas? Putain, ouais, j'ai réussi à aller au bout, mais j'irai pas voir la Ouais. 2, quoi. En fait, cette série, c'est un pilote de 12 épisodes, quoi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas vraiment une série, dans le sens, c'est plutôt un film de 12 heures. Ouais. Ouais, voilà, et donc tu te doutes qu'en fait, je vais pas spoiler, mais tu te doutes qu'ils vont tous se retrouver un jour ou l'autre. Ouais, mais j'en suis arrivé là déjà. Hein. Voilà. Mais voilà, les histoires de chaque personne, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres. Ouais, c'est un peu le défaut de la série, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et que tous les personnages sont pas aussi intéressants les uns que les autres. Bah Tu le... t'attaches, moi le Mexicain là, lui il m'agace. Moi j'aime bien l'histoire avec le Black en Afrique, mais Ouais. la meuf là qui est à l'hôpital, ça me cassait les couilles, ça m'avait saoulé à l'époque. Ah, j'aime bien beaucoup l'anglaise aussi. L'anglaise, mais elle est magnifique l'anglaise. Elle est tellement jolie cette fille. Ouais, c'est clair. Mais du coup, je l'avais fini, mais ouais, c'était tellement lent que j'avais maté ça parce qu'il n'y avait rien d'autre, quoi. Mais j'avais pas. Ah, mais je suis bien accro, hein. Mais Ah par ouais. contre, c'est vrai que je suis en larmes à la fin de chaque épisode, quoi. C'est pas la série du bonheur. Hein. C'est-à-dire en larmes. Bah, je pleure, c'est triste. Ah non, moi je suis au bout de ma vie dans le sens où putain, je me fais chier, tu sais. Je me dis putain, qu'est-ce que je fais, Le quoi, gars tu se sais. suicide à la fin. Ta Sense8, c'est Mais triste, tu trouves? t'as pas de cœur, t'as pas de Mais cœur. j'ai pas de cœur. Moi j'ai pleuré sur le tombeau des Lucioles. Donc voilà, c'est Ouais, bon. mais ça, tout le monde, c'est Ah impossible de pas pleurer devant le tombeau des Lucioles. mais c'est... Hey, non, non, moi j'avais pas trouvé ça triste, hein. Putain, toi t'es un mec fragile en fait, t'es pire que moi. Ouais. Ouais, Vas-y, effectivement. Un petit cœur. continue. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, alors moi je vais parler un peu d'House of Cards, parce que Frank fucking Underwood, putain. Ben voilà, je suis à l'épisode 3, et ben, ça redémarre doucement. Mais voilà, rien que de voir lui et sa meuf. Ah ouais, mais là, l'épisode 4, tu vas prendre un choc, hein. Voilà. C'est lent les 3 premiers, mais à partir du 4, c'est beaucoup moins lent. Mais même c'est lent, mais tu sais, tellement. Ce Kevin Spacey, tu sais, je passe depuis que je l'ai vu dans cette série, je suis amoureux de lui, tu sais. Juste, je le vois en fait, quoi qu'il fasse, il a trop la classe, tu sais. Et sa femme, c'est pareil, elle a vraiment la tête. Ouais. Et elle réalise les épisodes, hein. L'épisode 3, l'épisode 4, c'est elle qui les a Elle qui les réalisés. réalise, parce qu'elle, tu sais, a vraiment la tête de la connasse là, manipulatrice, machiavélique. Lui, c'est un peu le même délire, mais ils ont vraiment la tête, quoi. Et les deux, ils sont juste excellents, quoi. C'est. Bah, après le podcast, je vais continuer là. Je pense que je vais me faire peut-être 4, 5, 6 là. Mais ouais, ça fait plaisir de le voir revenir. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a Viking qui a repris aussi. Je sais pas si j'en ai parlé le mois dernier. Parce que le mois dernier, ça avait pas repris, peut-être. Bon, je crois que. Non, on n'avait pas parlé le mois dernier. Viking, vous avez repris ou pas? Moi, j'habite à côté des Vikings, donc j'ai pas besoin de regarder une série télé. Non mais là c'est pas là c'est des vrais Norvégiens mon gars, c'est pas les Norvégiens qu'il y a maintenant quoi. Là Non, c'est. j'ai jamais vu la série, je sais pas, Faut que tu je sais regardes. pas. T'as jamais regardé ça? Franchement je pense que tu vas kiffer. Bah là la saison 4, bon bah je vais pas spoiler. Je suis le seul à regarder dans l'équipe là? Ouais, moi Bon. j'ai juste regardé les 2 premiers, ça m'a pas. Ouais, il faut que tu te forces, hein. Franchement c'est un peu lent, mais après ça part. Bah en fait. Ouais, c'est de la merde, quoi. C'est trop bien, Ragnar Lodbrok, il est trop classe. Ben ouais, après, pour pas vous spoiler, au début, on va dire les premières saisons, ça part vraiment que sur les Vikings. Et là, on a la saison 4, ça s'étend, donc on s'intéresse à de plus en plus de peuples. Voilà, en plus de ça, à un moment donné dans la série, il y a les Français, on voit Paris et tout, donc moi je vous conseille de vous y mettre. C'est vraiment une super série. Donc voilà, ça c'est bien reparti. Après, ça avait repris Walking Dead le mois dernier? Eh oui, ça avait repris. Attends. C'était la pause, non? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Je suis tout seul, je suis en Moi, train je de ne sais pas, spoiler. j'ai jamais, Non, j'ai jamais je vu. regarde Je pas regarde pas Walking Dead. ce truc. Oh ben, vous devriez, Walking Dead, c'est toujours aussi génial. Mais après, C'est vous très bien, regardez mais pas, t'as c'est des pas zombies, j'ai envie spoilé. de parler quand je vois ça. Sérieux? C'est vrai? Ouais, je déteste les zombies, je trouve ça tellement con. T'as peur? Non mais c'est pas, y a une autre série aussi sur les zombies. Non mais Walking Dead, on s'en bat les couilles des zombies. Ce qui est trop bien, c'est de voir les gens, comment dire, la façon des gens de se comporter dans une situation comme ça en fait. Et Je vais pas mater la saison 1, ça j'avais trouvé ça trop pourri, j'ai plus jamais regardé. Bah écoute, moi je kiffe à mort quoi. Je te dis, chaque lundi, je suis devant ma télé pendant 1 heure. Mais est-ce que tu lis les comics? Non, je dis pas les comics. Mais moi Ouais. après, même si je lis le comics et que c'est pas comme dans le comics, moi ça va pas me bloquer, tu vois. Ouais, Je m'en bah fous complètement. moi je lis le comics et ça me suffit. Ouais, je pense, Wally, ouais, si tu lisais le comics, je pense que tu pourrais pas regarder la série, hein. Mais après, concrètement, la série en elle-même, elle est bien faite, quoi. Il y a des longueurs, mais c'est pas une catastrophe, quoi. C'est pas comme, j'en sais rien, moi, un mec qui lirait un bon comics Green Arrow qui regarderait Arrow à côté, quoi. Walking Dead en série, ça tient quand même bien la route. Après, c'est peut-être pas aussi gore, les personnages, ils sont peut-être pas traités de la même manière, mais intrinsèquement, moi, je trouve que c'est une bonne série, quoi. Depuis la mi-saison 4, pour moi, ça envoie grave du lourd. Parce que tu dis intrinsèquement que je serais plus d'accord avec toi. C'est en mode Vince, je balance des trucs que j'ai appris tout à l'heure. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu qui a repris? Ben non, il n'y a rien qui a repris. Hein. Il y a Gomorra qui va pas tarder à revenir. Gomorra. Alors moi, je conseille, hein, si on est dans les séries télé, sur Netflix en ce moment, il y a la nouvelle série de Judd Apatow qui s'appelle Love, qui est vraiment très sympa, avec l'actrice de Community. Et c'est une série de quoi ça? C'est une série, c'est une comédie un peu dramatique. Ouais, c'est pas pour moi alors. C'est du 30 minutes. Ah ouais. Quelle actrice de Community? La blonde, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Gillian quelque chose. Ouais. Vous avez testé X-Files ou pas? Parce que ça avait Ouais, repris ça. j'ai vu toute la saison. Alors ça vaut le coup? Ah, elle est déjà Non. finie la saison? Ah non, ça vaut pas le Non. coup. Sur 6 épisodes, j'en ai mis un. Ah ouais, d'accord. Le deuxième. Ouais, Donc. Gomorra, non, y a personne qui l'a fait celle-là non plus. Non, pas Non. encore. Putain, mais vous savez pas ce qui est bon en fait, vous les gars. Hein. J'ai lu le livre. Ouais, mais. Ça compte? Non, Ben ça. si, il y Et a j'ai. The Et Leftovers. Oh là Ah, The là, mais quelle Leftovers, catastrophe saison ça! 2, là. Oh là, C'était c'est énorme. Alors, j'étais pas là en sublime! fin d'émission la semaine dernière. Tu l'as vu, Spectra? Ouais, c'est bon, j'ai terminé, ouais. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, c'était magnifique, ouais. Ah, la saison 2 est encore mieux que la 1. Oh alors Ouais. là, ouf, m'a Tu vas convaincu là! adorer Wally, il donne aucune réponse, c'est parfait pour toi. Ah, c'est bon. Non mais faites Gomorra, putain. Franchement, faut vraiment la faire cette série, elle est géniale aussi. Ah, mais Série. Leftovers, c'est la série de l'année, hein. Ouais, mais Gomorra en version italienne sous-titrée, c'est la folie quoi. Par contre, tu risques de pleurer quand même, vu que apparemment t'es sensible. C'est des vrais gangsters quoi, tu vois. C'est des ouf les mecs. Et ouais. Et puis voilà. Sinon. Ah, j'ai acheté un jeu vidéo. Je sais pas si je vous l'avais dit l'autre fois. C'est Beyond Two Souls. Ah, c'est bien alors. Tiens, j'ai du tout J'ai là-dessus. détesté ce jeu. Tu joues pas en fait, tu fais que de regarder des cinématiques. Ouais, mais c'est le concept, ouais. Moi je l'ai acheté, j'ai joué 5 minutes, j'ai pu retoucher, faudrait que j'y rejoue. Mais en fait, j'ai acheté ça parce que j'avais acheté Walking Dead le jeu sur PC. Pas acheté, hein, pardon, excusez-moi. J'avais fait Walking Dead le jeu sur PC et j'avais ultra kiffé. Ça paraît, vous l'avez pas fait non plus. Non. Putain, mais faut le faire ça. Vous prenez Walking Dead saison 1, saison 2, c'est 6 épisodes. C'est beaucoup de narration, c'est pareil, tu joues pas beaucoup en fait, mais c'est tellement prenant, c'est fantastique. Et je vais vous faire une liste et je vous l'enverrai par mail de ce qu'il faut avoir fait une fois dans sa vie quand même. Putain, oh, les gars, vous craignez. Mais j'ai besoin de papier en plus pour faire du feu, il fait un peu froid chez moi, donc c'est parfait, hein. Gomorra, non. Viking, non. Walking Dead, le jeu, non. Walking Dead, la série télé, non. Arrow, non. Putain, les gars. Bon, vous avez autre chose. Ah, mais du coup, on n'a pas demandé à Vinch. Parce que Vinch, Ah t'es non, meilleur pour la Vinch. fin. Qu'est-ce que tu fais de Ouais. geek depuis 8 mois alors, Vinch? Oh non, de geek, je fais pas grand chose de geek en fait, à part lire des comics DC et Marvel. Je me suis essayé à Dragon Ball Super, mais c'était de la merde. Ah ouais, il paraît que c'est mal dessiné. Ouais. Parce que, bah non, c'est pas que c'est mal dessiné, c'est que c'est long, enfin, c'est long et ça a pas trop d'intérêt, quoi. C'est beaucoup des fillers, c'est pas terrible. Et en plus, ils refont ce qu'ils ont déjà fait en plus long, donc. Là, j'ai essayé, mais j'ai lâché. Je pense que je vais attendre que le manga peut-être sorte, parce qu'à l'époque, j'avais bien aimé. Mais en tout cas, la série animée, elle fait encore plus. Ça fait pas trop mature, quoi. C'est vraiment très enfantin comparé à ce qui se faisait à l'époque, qui D'accord. était quand même plus adulte. Je sais pas si vous avez lu Dragon Ball à l'époque, mais. Ouais. Donc, j'ai pas trop kiffé. Je trouve ça un peu dommage. Sinon, bah, ce que j'ai lu le comics de Jessica Jones, qui est censé être l'adaptation de la série, mais qui est beaucoup mieux que la série. Ah ouais, j'ai lu aussi. Ouais. Ah, j'ai pris les TP, mais j'ai pas eu le temps de le lire encore. Donc c'est, tu me conseilles là. Ouais, fin, franchement, ben, les premières images, les premiers plans, en fait, ils ont carrément copié la série TV, ont carrément copié le comics. Mais sinon, après, sur l'histoire, c'est beaucoup moins long. Ils s'attardent pas trois plombes sur des enlèvements à la con, etc. C'est beaucoup mieux dessiné. Beaucoup mieux dessiné, pas. C'est beaucoup mieux retranscrit, expliqué. L'histoire est beaucoup plus intéressante et captivante que. Ben ça c'est pareil. Que se taper 12 épisodes sur l'homme pourpre. Oh putain, ben moi, deux épisodes, j'étais au bout de ma vie, je me suis arrêté là. La série, il explique que c'était pas mal, mais c'est vrai que c'était chiant. Il y avait trois épisodes de trop, je crois. Il aurait fallu qu'il y ait que 10 épisodes pour raconter cette histoire-là. Autant Daredevil avec King, ça passait, parce qu'il y avait toute l'organisation du crime autour, donc Daredevil passait les étapes de tous les entremetteurs entre Kip King, mais là, il y avait vraiment que l'homme pourpre et elle l'attrape, elle le relâche, elle le rattrape, elle le relâche, c'était un peu lourdin, quoi. Ouais, mais en plus, dans Daredevil, chaque épisode, il allait fracasser des mecs dans la rue, quoi. Elle fait rien, tu sais. Elle, sur deux épisodes, à part coucher avec ce qu'elle habite en fer, là, ils font rien, en fait. Il se passe rien. Non, c'est pas grand-chose. Sinon, j'ai regardé la série La fête à la maison 20 ans après. Pour le moment de nostalgie de l'époque, c'était pas terrible. C'était juste du gros fanservice. Si vous avez regardé ça dans les années 90, quand vous étiez tout adolescent, vous, moi j'étais tout enfant. Le mec, il m'a pas Gomorra, il va taper des trucs qui ont 20 ans en existence, quoi. Ouais. Ah non, mais c'est du fanservice, je sais pas, tout le monde a regardé cette série dans les années 90. Ouais, on n'avait pas le choix, c'était sur la 2, je me rappelle. Avant, sauvé par le gong. C'est ça C'est ça. C'est donc ça, j'ai juste regardé pour question de fanservice, pour voir un peu le truc et tout, mais c'était vraiment fanservice appuyé, c'était pas terrible. C'était cool, à l'épisode, quoi. Donc voilà, sinon, j'y jouais à la PlayStation, au jeu The Division, à la bêta. C'était pas mal. The Division il est bien, alors, ouais. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. En plus, le contexte, etc., commençait. Maintenant, le truc, comme ils appellent la Dark Zone, c'est un truc de gros bâtard, en fait. T'étais dans une zone, tu croises des joueurs, tu peux les buter quand tu veux, tu peux prendre ce qu'ils ont récupéré. Parce qu'en fait, tu dois monter de niveau dans une zone PVP, et au plus tu deviens haut niveau, au plus tu peux récupérer des équipements, tu as des ennemis et tout, super fort. Mais si t'es un autre joueur gros bâtard qui passe et qui a envie de tirer une grosse balle dans ta gueule, et ben, il peut le faire. Ouais, je vais l'acheter ce jeu, putain. Je vais l'acheter ce jeu. C'est sur la PlayStation 4 Ouais, PlayStation 4 et PC et Xbox One. Je vais acheter la PlayStation, après je vais l'acheter. Non, c'était pas mal, c'est juste dommage. Dos. À un moment, dans la bêta, j'espère que dans le jeu final, il y aura quand même des groupes de gros bâtards, parce que moi, je voulais faire le gros bâtard. Et carrément. À la fin de la bêta, ben, t'avais genre 20 mecs qui couraient derrière pour te buter, quoi. Parce que t'avais buté un Pecno de niveau 1, juste comme ça, tu vois. Putain. C'est ce que c'est délire. Alors après, c'était un peu relou, mais sinon, ouais, c'est pas mal. L'histoire est scénarisée, etc. On va monter un crew tous les deux. On va aller racketter tous les mecs, là, qui ont des petits niveaux, tu sais. Non, franchement, c'était pas mal, c'était fun. Et j'espère juste qu'il n'y aura pas de zombies, parce que les zombies sont un peu trop surutilisés dans les jeux vidéo. Ouais. C'est une épidémie, en gros, qui a ravagé Ça s'appelle comment, le jour après Thanksgiving aux États-Unis? Je sais pas. C'est le Black Friday, non? Ouais, c'est ça. Black Friday, ouais. Ouais, le Black Friday, les gens, il y avait une contamination sur des billets et tous les Américains ont été décimés en quelques... En plus de ça, il ne reste plus qu'un noyau dur à New York qui tente de survivre. Bon, c'est pas vraiment dans le jeu ce qui arrive en fait aux gens qui étaient contaminés, qui sont morts et qui sont... Il faut que tu fasses Last of Us si t'aimes bien ce jeu. Ouais, j'ai fait Last of Us. Mais justement, dans The Division, il n'y a pas... Il n'y a pas de zombies, techniquement, on n'en voit pas, quoi. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, les corps, on sait juste qu'il y a des zones d'infection. D'accord. Mais on ne sait pas ce que les gens sont devenus, peut-être qu'on l'apprendra plus tard dans le jeu, je suppose. D'accord, ok. Dans la bêta, tu avais vraiment un niveau à faire dans le Madison Square Garden et la zone PVP, c'était tout qu'il y avait, quoi. D'accord. Voilà, c'est tout pour moi, côté geek, ce mois-ci, je crois. Ok. Vous avez autre chose à rajouter, les gars? Mais non. Spectra non. Ok. C'était une émission bien longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Hein. Fallait compenser les reviews comics VF qu'on n'a pas fait le mois dernier. Ouais. Quand même 2h30 d'émission, là, je crois, non? 2h. 2h d'émission. 2h. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais. Bon, on vous remercie tous et on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit au mois prochain. Salut à tous. C'est plein de bisous et on se revoit dans un mois. Salut. Kissou. Salut. Okay. I'm a nigga with me. I'm a nigga with it.